Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Allez, bonjour, bonsoir, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr, émission spéciale après match. Le match vient de se terminer il y a à peine une petite dizaine de minutes et on est déjà en direct en studio et avec vous au stade pour parler de la bonne nouvelle du jour, la très bonne nouvelle du week-end. La très bonne nouvelle du jour, donc c'est la victoire à l'instant même du FCGB face à l'AS Monaco, 2-1, un doublé de François Camano, notamment un but dans les toutes dernières minutes. Fallait pas faire comme nous, fallait rester jusqu'à la fin pour voir ce deuxième but de François Camano. On a tout eu dans ce match, on a eu un poteau, on a eu un péno réussi, un péno raté, on a eu des occasions, on a eu des arrêts, on a tout eu. On va évidemment en reparler en direct avec vous, évidemment, que vous soyez chez vous, dans la voiture, n'importe où, appelez-nous. On va également, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, tenter quelque chose, c'est-à-dire un direct duplex avec des gens. On a des envoyés spéciaux qui sont restés au stade et qui vont, on va essayer d'avoir des gens qui étaient au stade, qui étaient au match, qui vont nous donner vos réactions. Appelez-nous, vous inquiétez pas, vous savez qu'on peut pas avoir deux personnes en même temps, mais on fait comme d'habitude, on prend votre nom, votre prénom, on vous rappelle, votre numéro de téléphone, on vous rappelle, on vous dit c'est bon, tu peux appeler, et vous pourrez intervenir dans l'émission. Vous inquiétez pas, tout le monde passera. Si vous êtes 10 à appeler, 15, on passera tout le monde. Oui, normalement, on est ensemble jusqu'à... Allez, on s'est donné comme deadline 22h. Ah bon ? 21h30, 22h. Ah bon ? Donc moi je serais pas parti à 21h, mais c'est pas grave. Okay. On va partir à 21h. Mais ouais, enfin, alors soyez pas salauds, on travaille demain, nous restez pas là jusqu'à minuit non plus, quoi. Non mais ça c'est sûr, on fera pas jusqu'à minuit, mais on se laisse 2 heures d'antenne bien complète et la possibilité, on avait dit déborder jusqu'à 21h30 en fonction de si vous êtes nombreux à vouloir réagir sur le sujet ou pas. Je pense qu'on va avoir Enzo et Cyril qui sont au stade à la recherche. Ils sont en train de fouiner, de chercher des gens. Ça, à la recherche des auditeurs. Ils recherchent. Sachant que bon, lourde tâche, mais tâche assez simple. Ils ont qu'à aller voir les charmantes demoiselles, j'ai envie de dire. C'est ça. Ou les charmants messieurs. Alors, on va faire un tour de table. En termes de stats, évidemment. Alors, ne nous demandez pas de combien de ballons machin a touché ou quoi, parce que je vous cache pas que le match vient de se terminer et la ligue et l'équipe. On va leur laisser le temps quand même de faire des stats de possession, tout ça. C'est l'équipe d'ailleurs, l'équipe, quelque chose. Peut-être l'équipe, on va regarder. Moi, je suis sur la ligue en tout cas. Si vous avez d'ailleurs sur le chat, n'hésitez pas à partager le but de Camano. Parce qu'on on l'a pas vu. Alors, si sur le chat, vous nous mettez un petit lien vidéo, ne serait-ce qu'un gif, tu vois, un gif. Non, même la vidéo, carrément, la vidéo. Donc, le chat, amis du chat, bonsoir, c'est en train d'arriver petit à petit, ça va se mettre en place. Bonsoir à vous, vous pouvez nous joindre 05 56 35 31 31. Je rappelle également que cette émission ne remplace pas celle de demain soir. Demain soir, il y aura émission normale, comme d'habitude, 20h, 21h30. J'ai les stats du match, tu les veux? Commençons avec les stats. Allons-y. Commençons avec les stats. Il n'y a plus de jingle stats, c'est vrai que c'est pas dit. Il y a peut-être le jingle stats. Perdons pas forcément beaucoup de temps avec ça. Mais c'est Monaco qui a eu la possession du ballon. Alors pas une possession non plus immense par rapport à l'autre. C'était du 54,3 à 45,7. Mais vous savez quoi? Nombre de tirs cadrés. Et même nombre de corners, c'est quand même assez équitable. Il y a eu 14 tirs bordelais, 15 tirs monégasques, 6 tirs cadrés pour Bordeaux, 5 pour Monaco, 5 corners pour Bordeaux, 8 pour les monégasques. Je vais enchaîner avec la première petite analyse. Parce qu'on va avoir Enzo. Eh ben c'est qui, Adrien ou Thomas? Adrien. Moi, je suis content, je suis heureux parce que à chaque fois que je parle, ça fait un. Je suis désolé. Je suis désolé. Place au direct puisque nous avons Enzo qui est en direct du stade. Enzo, vas-y. Tu nous entends, Enzo, déjà? Premièrement. Oui, je vous entends très bien. Parfait. Moi aussi. Allez, vas-y, mon grand. On est avec Samuel, supporter des Girondins. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Première analyse, première mi-temps pathétique, pas de jeu, pas d'envie, un gros manque au milieu de terrain. Heureusement, il y avait une bonne ambiance au Virachud. Retour des vestiaires, un peu plus d'envie, un peu plus de liant, plus de percussion sur le côté, Camano, Kalou. Ensuite, Monaco inexistant. Ils ont de bons joueurs, Falcao, on l'a pas vu du match. Ensuite, un penalty, mérité. Turpin, on n'en parlera pas, mais après voilà, de l'envie en fin de match, beaucoup d'envie, énormément de ratés, mais une victoire à l'arraché qui fait énormément plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé des nouvelles recrues? Kalou, très percutant, remuant, bon potentiel, à peaufiner. J'espère que Thierry Henry sera là dans les prochains jours pour polir ce petit diamant. À noter, on parle de Thierry Henry, ça revient de plus en plus, l'officialisation devrait peut-être pas tarder. Ou pas. Qu'est-ce, oui, voilà, ou pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te procure? Ça procure que ça fait 9 ans de disette. Moi je suis supporter depuis des années, c'est très compliqué depuis 2009-2010. Thierry Henry, ça fait penser un peu à Laurent Blanc, il a toutes les capacités du foot français, tout ce qu'on y connaît. Donc je pense que ça apportera que du positif. Et de toute façon, moi j'attends plus que sa signature. Et merci beaucoup Samuel. Alors, Pour les petites infos, hein, Enzo, toi qui es sur le parvis, oui. Je sais pas si tu m'entends. Le Paris Match qui nous a sorti sa sublime info, selon leurs sources. Et on a alors Tour Sud-Ouest qui viennent de sortir un article. Thierry Henry, c'est pas encore fait. Claude Ranieri serait en plan B. Donc voilà, selon les informations Sud-Ouest, Thierry Henry a été contacté le sélectionneur belge vendredi, Roberto Martinez, pour lui faire part qu'il aurait plus de chances de dire non à Bordeaux plutôt qu'une réponse favorable et qu'il donnera sa décision ce dimanche soir. D'après Paris Match, qui annonce que cette affaire ne devrait donc pas aboutir, l'ancien Gunners de 41 ans ne se sentirait pas à l'aise pour prendre les rênes d'une équipe professionnelle en l'absence de certaines certitudes face à l'avenir du club et son propriétaire. Donc ça veut dire que sa femme a dit non. Hein. Voilà, bon, ben on verra, on va suivre ce que ça va donner. Mais c'est vrai que paye l'espèce de climatisation qui est descendue quand même à la mi-temps en côté Girondin. On vous laisse aller à la pêche. Vous n'hésitez pas à rappeler. J'ai un petit dernier aussi. Ben vas-y. Guillaume. Alors j'ai Guillaume avec moi. Salut, Guillaume. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Ah mais formidable. Les Monégasques vraiment nul. Et si t'as un joueur à ressortir, c'est lequel? Ah ben forcément comme un nom. Ben merci Guillaume. Ben passe une bonne soirée Guillaume. Merci beaucoup. On vient de découvrir le but de Camano. Sur l'action, l'action est juste sublime. Ça part de lui, il y a un petit centre de Pungé qui est plutôt réussi, cette fois-ci en retrait. La remise en carré, le tir en première attention, c'est vraiment très très beau. Ça fait plaisir, je dois avouer, quand même. Ça fait quand même plaisir. D'accord, pas de soucis. Bon, les gars, je vous rappelle juste après, dès qu'on a d'autres supporters, les réactions d'autres supporters. Il n'y a pas de soucis, mon grand, dès que tu as des supporters ou des supportrices. Soyons heureux. À tout, Enzo. Ciao, mon grand. Voilà, donc ça va être hop là, je coupe tout, voilà, parfait. C'est bon le téléphone, nickel. Ah, c'est dur là, quand même, je rends la parole à Adrien, mais c'est dur la première. Alors on a eu un auditeur qui était un petit peu sévère quand même. Disons, comme moi je l'ai eu à la télé. Disons que. Alors, ça peut se comprendre. J'ai dit à Marc avant que t'arrives, nous on était au stade dans l'ambiance, le virage, le machin. Mais lui aussi était au stade. C'est ça qui est bizarre. Mais voilà, des fois c'est vrai que je me plais à dire qu'on n'a pas la même vision d'un match, que ce soit au stade ou à la télé, ce qui est vrai. Peut-être il était. Peut-être pas au même angle que vous. Aussi, voilà. Mais j'ai trouvé ça plutôt. Moi, j'ai pas trouvé ça. Il y a eu l'engagement, mais devant, il y a eu des problèmes. Ouais. Ah oui, non, mais devant, oui, c'est sûr que. Alors, tu reprennes les informations. Moi, je viens de recevoir, selon nos sources, enfin, peu importe. Mais le fait que les Américains auraient pas forcément convaincu Thierry Henry, c'est une information qui revient souvent. C'est une information qu'on vient de me rapporter. Il aurait pas pris cette décision. Les Américains l'auraient pas convaincu sur les garanties financières, sur les prochains mois. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça sent pas bon, cette histoire. Ça ne sent pas bon. Moi, perso, je vais pas pleurer, mais Henry, ça fera chier après quand même tout ce qui s'est passé. Voilà, à défaut d'être très fan de l'avenue de Thierry Henry, je me dis bon, s'il vient pas, au final, ça nous met peut-être si on plus dans la merde derrière. que non, mais si on a Ranieri derrière, soit disant qu'il y a un plan B. Alors, on verra bien. Non, en tout cas, ça aura jamais autant fait parler de Bordeaux que pendant une semaine. Ça aura au moins ça le mérite d'être là. Et il est là, Enzo. Allô, Enzo. Enzo. Allô, Enzo. Ou quelqu'un qui s'appelle pas Enzo mais qui est au téléphone. Vas-y, raccroche. Y'a rien? Ah, y'a rien. Bon. Non, il essaye de nous rappeler en même temps, tu vois, c'est la beauté de la radio. C'est ça le direct. Bon, alors, on va vous demander d'être indulgent, c'est la toute première fois qu'on fait ça. Content de ça. Enzo! Oui! Je t'entends. Tu nous entendais pas. Dis-moi! Alors, je suis en direct avec Joseph, sa fille et Son petit-fils? Non. Ah, et un ami. Alors Joseph, Joseph qui est bénévole du club, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Salut Joseph. C'était mieux qu'à Toulouse. Il y avait beaucoup plus d'envie. Mais personnellement, il y a pas mal de joueurs qui n'ont plus rien à faire sur un terrain. Du genre? Genre Costil, De Préville, Sankaré. Et si vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé des nouvelles recrues? Brian, il fait ce qu'il peut, il a 34 ans. Il a joué tous les 3 jours, c'est difficile. Tant qu'on aura fait un numéro 9, digne de ce nom, ça sera très difficile parce que Brian, c'est plutôt quelqu'un qui tourne autour du numéro 9. De Préville, c'est un ailier et il est nul. Et dire que Gourvenec l'a préféré à Tejonk. C'est ça. Et Joseph, si vous avez un joueur à sortir, le meilleur joueur de Bordeaux que vous avez trouvé et le plus mauvais. Le plus mauvais, de Préville. Le meilleur, non, peut-être pas le meilleur, mais le meilleur, on le connaît, c'est Kouné derrière. Mais moi, je mettrais plutôt Plaville, malgré ses 36 ans. Si tous les jeunes avaient son envie qu'il a sur le terrain, on aurait les combattants. Et merci beaucoup Joseph. Et bonne soirée à vous. Et bonne soirée. Merci. On est avec deux autres supporters. Vas-y. Avec Damien. Damien, bonsoir. Salut Damien. Okay. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Bah, plutôt intéressant au niveau du jeu par rapport à jeudi dernier. Ah. Après, on avait un peu de déception par rapport au but qu'on encaisse. Parce que c'est une erreur encore défensive. On a su réagir pour une fois. C'est nous qui marquons dans le temps additionnel, donc plutôt satisfait. Ouais. Un mot sur les nouvelles recrues? Kalou, très très intéressant, c'est vraiment ultra intéressant. Palencia également, brillant, on sait que c'est pas un numéro 9 athlétique. Hein. Et après, il nous manque vraiment un vrai numéro 9, donc à voir par la suite. Hein. Si t'as un joueur à sortir en top et un joueur en flop à sortir de Bordeaux? Bah, en top, Kamano pour son doublé, mais je mets quand même Kalou avec parce qu'il a vraiment été ultra important. En flop, faut même être vraiment Koundé parce que c'est en avant le but, d'accord, mais je mettrais plus les ragueurs, moi j'ai trouvé un petit peu en dessous. Après voilà. D'accord, ben merci beaucoup et bonne soirée à vous. Enzo? Oui. Dis à ces gens qui peuvent se réécouter en podcast s'ils ont envie. Oui, bien sûr. Ça fera toujours des gens en plus. Cyril s'en occupe. Cyril s'occupe de ça. Pour leur dire. C'est-à-dire que Cyril, c'est l'hameçon, le filet qui va chercher les gens. Et Enzo, c'est celui qui les passe à l'antenne. Enzo, c'est la technique et Cyril, il fait le SAV, lui. Il s'occupe du commercial. Enzo cherche un Thierry H. Qui doit pas être loin. Alors on a un nouveau supporter, Guillaume. Bien ça. Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé du match? Très joli match. Mieux que Strasbourg et à Toulouse. Ça fait plaisir, une victoire. Enfin. On verra pour la suite. Qu'est-ce que t'as pensé des nouvelles recrues? Ah, légère. Légère un peu. On verra, c'est le début. Hein. Si t'as un top à sortir et un flop. Un top. Bonjour. Kamano. En flop, de Préville. Et après, on parle beaucoup de la rumeur Henri qui a été démentie, qui a été voilà, c'est l'actu des Girondins en ce moment. Qu'est-ce que ça t'éprouve comme émotion de quand on parle d'Henri à Bordeaux? Ah mais du bien, ça va faire remplir le stade un peu. Ça va faire du bien, ça peut ramener des joueurs un peu, donc on verra bien. D'accord, ben merci beaucoup Guillaume et bonne soirée. Au revoir. Alors on confirme, hein, c'est ça. Thierry Vautrin de Sud-Ouest, lui aussi annonce que c'est pas fait, que ça penche plutôt vers le négatif que le positif. Personnellement, j'en ai marre, j'en peux plus. On verra bien. À la limite, moi, tout ce que je veux, c'est un coach, que ce soit Henri ou n'importe qui, je m'en fous. Moi, je veux un coach. Qu'il y a un nom qui sorte, le mec arrive, il dit voilà, ça va être lui, terminé. Il y a deux noms qui sortent, Ranieri, donc qui ressort avec assistance, et Antonio Conte. Alors les gars, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans la semaine? Ne dites rien. Certains, j'ai envoyé un message. Ouais, tu m'as pas envoyé de message. Bon, je vous l'ai pas mis sur Facebook. Non. Si, je l'ai mis sur Facebook. Si, je l'ai mis sur Facebook. Je m'en rappelle plus, mais. Ah, je vous le dirai après l'émission. On a un dernier supporter. Vas-y, Enzo. Bastien, en plus que je connais parce qu'il vient de Carcan, donc je reconnais le bureau de tabac de Carcan. J'en ai là. Eh oui. Bastien, qu'est-ce que t'as pensé du match? Eh bien, c'était un bon match, stressant, surtout le pénalty raté de Kalou, mais après Kamano il a fait le travail quoi. Donc, t'as pensé quoi des nouvelles recrues? Palencia et Kalou, très bon, très très bon, très fort. Si t'as un top à sortir et un flop à sortir, De Bordeaux, bien sûr. Alors le flop, il est facile, c'est Depréville. Et le top, je dirais Thierry Henry, qui arrive. Voilà, en parlant de ça, Thierry Henry, qu'est-ce que ça t'éprouve comme sentiment? Eh ben, je serais fier du club. Enzo, dis-leur quand même que, enfin, les gens, ils ont l'air de tous s'enflammer là. Dis-leur quand même qu'il y a rien qui est fait et mais que c'est un peu compliqué quand même. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'on parle aussi d'Henri et que c'est pas forcément fait encore. Il y a eu des informations qui sont sorties pendant le match, disant que c'était pas sûr. Et dis-leur que derrière il y a Ranieri ou Conte, les deux autres noms. Ils parlent de Ranieri ou Conte en tant que remplaçant. C'est quand même incroyable. Les gens préfèrent un mec qui a jamais coaché de sa vie que Conte qui a 300 matchs. C'est quand même incroyable. Le problème, c'est que tu sais pas pour l'instant. Tu sais pas ce qui va se passer. Enzo, t'as du monde encore? Non, là c'est tout là. Parfait. Par contre, vous savez que vous n'êtes pas obligé de taper que dans le masculin. Les filles aussi aiment le sport et ont aussi des bons amis. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que vous devez faire trop peur. À toutes, Enzo. Merci, mon grand. À toutes. Donc, revenons à nos moutons. On va reprendre un peu. Les gens sont sévères avec Depréville. Mais écoute, le virage de la sifflée aussi, c'était sévère. Non, mais il fait une très bonne rentrée, Depréville. Pas sur les 30 derniers mètres, mais il fait une bonne rentrée. Mais sur le reste, protection de balle, il était là. Mais non, justement, c'est ce qu'ils avaient. Les gens sont tellement aveuglés. Non, le problème, c'est qu'il nous manque 10 dernières minutes. Moi, quand on écoutait la radio, ils avaient tendance à dire qu'il perdait la balle trop vite, qu'il la conservait pas, il fait pas les bons choix. Le problème, c'est que on va pas le juger sur 10 minutes. Moi, je me refuse de juger. Ah oui, c'est ça, de dire un flop sur 10 minutes. Mais ce qui commence à être un petit peu agaçant, c'est que tu te dis, il va vraiment falloir que ce joueur mentalement arrive à se remettre dans le bon sens, parce que je suis désolé, on l'a vu et on a tous hurlé quand on a vu ça, quand Kamano le cercle, il est à l'entrée de la surface tout seul, il doit tirer, il doit pas se poser de questions, tant pis si elle est pourrie la frappe, mais tire. Mais c'est ce qu'il fait dans le deuxième temps, où il se retrouve toi, il décale. Voilà, il tape cadré. Mais le problème, il y a souvent un mauvais choix qu'accompagne. Alors, on va pas dire forcément que il n'a pas joué assez longtemps et il nous manque 10 minutes pour trois autour de la table pour réellement juger Depréville. Mais c'était pas suffisant sur les matchs d'avant. Alors on le sait, les supporters ont tendance à avoir une détente de Turc. Oui, alors là c'est Kostil ce soir. Franchement, dire que Kostil a pas été bon. Il y a rien à faire au club, c'est n'importe quoi. Lui reprocher. Il fait une parade en première mi-temps qu'il a à faire. Après, Monaco a tout mis à côté. Mais après, sur le contenu du match, l'entrée de Depréville, on peut pas la noter comme étant bonne. On l'aurait pas noté déjà de base si on avait gardé notre système de notation, parce qu'il aurait pas eu assez de jeu. Mais on aurait été plutôt vers une flèche, vers le monde. Moi, si j'ai un flop à mettre, les enfants, c'est plus Koundé que. Bah, c'est Koundé. Et je parle pas. Non. Je parle pas que pour son erreur sur le but. Sa première mi-temps. Sa première mi-temps, moi je l'ai pas trouvé ouf. Des relances qui partaient en touche, des interventions un petit peu. Voilà. Ce qui est incroyable. Non, mais ce qui est incroyable. Après, c'est dur aussi de citer un flop sur un match comme ça. Après, vous étiez au stade, donc. C'est dur de dire, lui, il a été nul. Il a pas la même vision. Depréville, il a une. La même presque était meilleure que Briand. Alors parce que sur la conservation de balles dans le combat et tout ça, c'est pas le même style. Mais tu demandes pas à Briand ce que tu demandes à Depréville. Tu demandes pas à Briand de conserver un ballon. C'est pas ce que tu prends pas Jimmy Briand pour conserver les ballons. Koundé, alors Koundé, gros coup de gueule sur. Ça fait plusieurs matchs depuis que Poyet est plus là. Il est totalement à l'envers. Il fait une faille par match. Mais peut-être que pas toute grave qui porte à conséquence, mais. Oui, parce que soit il y a un gardien, soit. Mais peut-être que cette erreur l'a réveillé, parce que après, il te fait un match. Il arrive à percuter, à récupérer les ballons et à pousser vers l'avant et tout ça, à faire des sorties. On va juste reprendre peut-être. Thomas, on l'a pas entendu encore. Reprendre peut-être dans le comment dire. Reprendre le truc. On fera peut-être après joueur par joueur, mais juste. Voilà, c'était quand même un match très agréable à suivre. Et là, pour le coup, je pense que qu'on soit devant sa télé ou devant ou au stade, c'était quand même relativement plaisant. 20 premières minutes, on en parlait avec Thomas dans la voiture, où Bordeaux rentre bien dans son match. Monaco, on les voit pas, ils touchent pas beaucoup de ballons. Ils ont des situations. Il y a une frappe que Kostil sort qui est un peu détournée, qui aurait pu arriver dans les pieds de Falcao. Mais au final, Kostil fait la parade. Et Monaco a mieux fini quand même cette première mi-temps, Thomas. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça, toi. La première demi-heure, j'ai trouvé que les joueurs ils couraient partout. Ils étaient pas sur le terrain, Monaco, ils n'arrivaient pas du tout à toucher la balle. Les 15 dernières minutes étaient beaucoup plus difficiles. peut-être physiquement on a commencé à pêcher, peut-être le match de la Gantoise dans les jambes. Oui. Alors j'ai des réactions, et puis t'inquiète, après je te laisse terminer. J'ai des réactions de Jimmy Briand à la mi-temps, qui dit on fait une bonne entame. C'est vrai qu'en fin de première on est à commencer à puiser, donc à jouer des ballons plus longs. Maintenant on va bien se reposer à la mi-temps pour repartir comme on était parti en première, car il y avait de bonnes choses et je pense qu'il faut appuyer là-dessus si on veut marquer. Et Yuri Tillmans, lui, donc le Monégasque à l'inverse, dit on démarre timidement puis on est bien revenu dans la partie, on s'est créé 2-3 occasions, maintenant il faudra contrôler le match, essayer de mettre un ballon au fond. Bon, Tillmans, si finalement les deux sont d'accord sur le fait que Bordeaux a plutôt bien démarré et Monaco a plutôt mieux terminé. Non, mais, c'est ça. Mais c'est quand même la meilleure, à ce moment-là, de ce que nous on se disait à la mi-temps, c'est quand même la meilleure mi-temps qui est faite de Bordeaux des combien ils ont joué de matchs là, 4, 5, 7, 6. Sur la deuxième partie, c'était devant, on avait un peu plus de difficultés. Et au milieu, il y avait un problème. Il y avait un problème, mais c'est parce que la deuxième mi-temps, on en fait une meilleure parce qu'on doit pas faire le jeu et que c'est Monaco qui attaque. Et ça, on sait qu'on est plus à l'aise en contre-attaque et tout ça, surtout avec des joueurs comme Kalou et Camano. Et la première mi-temps, Monaco avait clairement décidé de laisser le ballon. Donc, Et ils ont décidé de laisser le ballon ou Parce que sur les matchs qu'ils ont fait en début de saison, c'était comme ça. Après, on avait ce problème. Le problème aussi, c'est qu'on marque pas sur Kalou, marque pas sur le. On marque pas sur nos temps forts. Il y a le poteau et derrière, c'est dans la logique d'un match. Vous avez un temps fort sur les 20 premières minutes. Derrière, ça va se rééquilibrer. C'est normal. On peut pas dire qu'on fait une mauvaise première mi-temps. On fait une première mi-temps sérieuse. Offensivement, on aurait pu mieux faire. Mais c'est sûr, comparé à la deuxième mi-temps où le match était plus débridé et on avait plus d'espace, c'est plus facile d'être meilleur. En termes de scénario, c'est quand même un match. T'as un poteau, t'as un péno réussi, t'as une boulette, une égalisation, un péno raté. Tu dis oh putain, on en parlait dans la coursive. On se dit oh putain, bon c'est pas grave, allez un point, on prend et tout. Et là boum, 92e. Bim, tu marques. Enfin, il y a eu. Enfin, moi, j'ai pris du plaisir à avoir un match de Bordeaux depuis l'année dernière. Parce que les deux équipes se sont. À Monaco a joué le jeu aussi. Oui. Après, il y a eu le bon coaching dans la semaine de Bédoué. Ça veut dire qu'on s'était posé la question. On a dit ouais, il met pas Kalou, Camano. On l'a vu ce soir que Palencia, ils étaient Palencia. Bon, on l'a vu qu'ils avaient besoin d'avoir du repos. J'ai pas les stats des joueurs, mais alors le nombre de kilomètres qu'a couru ce garçon. Kalou à la fin du match, il était crevé. Ils avaient besoin d'être frais. Et on a vu que ces joueurs frais, ces joueurs essentiels à Bordeaux au niveau offensif. C'est quand même un gros risque. Enfin, on est nombreux et félicitations. Et je suis persuadé que ce coach qui n'aime pas la lumière aurait fait un très très très bon coach. En même temps, il a travaillé avec de nombreux coachs. Mais quand Eric Bédoué nous met sur le 11 de départ, Plasil et Lohrager, on est plutôt dans un sens de dire que... C'est-à-dire qu'il fait les bons choix. Oui. T'es plutôt en train de te dire putain, il les a remis, mais putain, on disait qu'ils étaient tous cramés. Tu nous mets les deux qui sont ceux qui courent le plus et qui ont du mal. Et au final, Lohrager match parce que fait quand même un bon match. Oui. Ils sont partout. Le problème c'est que ces deux joueurs ont baissé d'intensité. Et quand ces joueurs ont baissé d'intensité, de suite, Monaco a mis le pied sur le ballon. Par contre. Au niveau de la gestion de l'effectif, avoir Pani, Camano et Kalou sur le match de jeudi, d'avoir cherché le nul, pour l'instant ça marche. Attention, il faut se qualifier au retour. Si on fait 1-1, on dira échec, il va mieux peut-être perdre Monaco. Mais quand tu vois comment c'est géré de la part du coach, pour l'instant qualifie-toi jeudi et c'est parfait. Kalou on connaît pas. Alors le problème c'est qu'on va pas s'enflammer, parce que le problème c'est que s'enflammer sur un joueur qui fait un bon match, on le fait 40 fois dans l'année, et qu'on va voir cet hiver ce qu'il fera quand le pelouse sera plus lourde et qu'il fera pas beau. Mais les deux joueurs, Camano confirme son très bon début de saison et Kalou fait un très bon match, vraiment un très bon match. Sur ce match-là, j'ai pas dit ah putain il manque Malcolm. Alors non. Il pêche, il y a quand même des erreurs, mais lui, Camano, Tchouaméni, même Palencia, tu te dis ok, c'était vous avez pas joué contre les Belges. à vous de montrer que vous, il fallait que vous jouiez. Et puis Kalou peut potentiellement finir avec un peu plus de réussite, il peut finir sur un doublé, quoi. Et, ouais, entre le poteau et le péno qui tire bien, mais faut reconnaître que Benaglio aussi. Les occasions, le truc, c'est que c'est assez équitable en termes d'occasion. Ça aurait pu, pour moi, faire 2-1 exactement dans l'autre sens. Ça aurait pu faire 2-1 pour Monaco. Oui. J'ai jamais été aussi content de m'être planté sur une analyse d'avant-match parce que je prenais vraiment comprendre l'eau. La façon dont ça a été géré et l'investissement mis par les joueurs, c'est la Ligue 1. Quand tu fais ce qu'il faut en termes d'envie, c'est tous des joueurs de foot. Ils savent normalement tous plus ou moins faire un contrôle et une passe. Après, il y a des choses qui sont très intéressantes sur ce match, c'est les transversales de Palencia, les transversales de Kalou. J'ai pas vu ça depuis Fernando Menegazzo à Bordeaux. Alors les transversales oui, mais qui arrive souvent dans les pieds. Par contre, il y a un domaine où c'est souvent que ça va dans les pieds, c'est très agréable. Non, et juste Clément Carpentier sur Twitter, Stéphane Martin et Nicolas Taferno affirment que la piste Thierry Henry n'est pas refermée, mais ne démente pas non plus l'information de Paris Match. C'est le grand donc c'est mort. Si c'est mort, parce que si c'est pas mort, tu dis non, c'est une aberration totale. Je sais pas d'où ils ont leurs infos, mais c'est une saucisse. Oui. Et le mec, il peut même te dire, je peux vous dire que Thierry Henry c'est le coach. S'il démente pas, non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas le dire. Ils peuvent peut-être pas le dire. Mais non, moyen. Non, parce qu'il parlait de Palencia. J'en parlais à Toulouse et Kalou a fait à peu près la même chose encore en même temps. C'est ce jeu en diagonale. Ce jeu en diagonale de Palencia. J'ai l'impression de voir un joueur qui est pas sur son bon pied et qui cherche à repiquer souvent dans l'axe. Alors ça, je vais te dire, ça c'est parce qu'on a été très mal habitué. Hein. Parce qu'on a été habitué nous à avoir des arrières latéraux, que ce soit Sabali, Pungé, tous ceux qu'on a eu avant, qui faisaient jamais ça. Mais c'est pas parce qu'ils le faisaient jamais que c'est pas le football. Hein. Pour moi, le football, c'est plus ce que fait Palencia que ce que fait Sabali ou Pungé. Mais Palencia, son jeu, surtout en première mi-temps, seconde mi-temps, peut-être un peu moins. En première mi-temps, son jeu en diagonale, qui nous offre des possibilités, et même Kalou qui a fait transversal sur Camano. Mm. Qui était, mais c'est. Ce que ne faisait pas, ou très peu, Malcolm et Camano de l'autre côté aussi. Mais, c'était. Camano ne le fait pas. Camano repique systématiquement, soit cherche à systématiquement rentrer dans l'axe. C'est pas le même style de joueur que Kalou. Voilà, c'est que c'est pas le même style, mais ça serait pas mal pour lui, et je pense aussi pour l'équipe, de peut-être prendre un peu l'exemple sur son collègue et de dire, attends, j'ai peut-être aussi une troisième option qui s'offre à moi. Je suis pas forcément obligé de rentrer et de remettre sur mon pied droit ou de, voilà. Mais on voit que là, on a les qualités et tout ça. Ce qui est regrettable, c'est qu'on se remette dedans tout seul. J'ai l'impression qu'on maudit. Ah, oui. À la 85e, on rate le pénalty. Je dis, mais c'est pas possible. On se fout dedans tout seul. Là, tu l'as dit. On donne le but. On provoque un pénalty. Il arrête. On a eu un poteau dans le match. Au bout d'un moment, tu te poses la question, même pour les joueurs. Et là, ils ont pas lâché, et c'est ça qui est bien. C'est rare. Ouais. C'est rare, c'est rare. Même physiquement, ils ont pas lâché. Parce que contre Toulouse, je sais pas si dans la tête, ils avaient lâché, mais je pense que physiquement, ils étaient morts. Ils étaient plus. Alors, il faisait 33 degrés à Toulouse, il en faisait que 26 ou 27 aujourd'hui. Je dis pas que ça explique, t'avais eu un match, voilà. Mais mine de rien, Mais sur ce match-là, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, quand même, moi, il y a un domaine. Mais alors après, peut-être qu'ils vont travailler ça à l'entraînement et que ça va aller mieux. Mais je trouve quand même qu'on n'a plus de tireurs de coups francs. Je suis désolé. On n'a plus un... Quand il y a un coup franc, on a eu 3 coups francs, ou 4, ou 3, au moins 3, à 20-25 mètres du but. Mais à aucun moment, on a été dangereux parce qu'on n'a pas un mec. Un coup, c'était Kalou, un coup, c'était Camano. Le troisième, je sais plus qui c'est qui le tape. Et ça passe à chaque fois à côté. On a Malcolm... Tu savais que t'avais une chance sur deux pour que ça aille au fond. Il en a mis plus d'un à Bordeaux. Il a prouvé qu'il savait taper un coup franc. Je parle pas des coups francs qu'il faut savoir mettre tendu au point de pénalty. Non, je parle des coups francs directs. Hein. Et franchement, pour marquer sur coups francs directs cette saison, à moins qu'on prenne... Basic, il paraît que c'est un très bon tireur. Alors voilà, à moins que le petit Basic, mais alors toujours pareil, pourquoi on l'a pas vu ce soir, j'en sais rien. Mais à moins que Basic se révèle en tireur de coups francs, moi je suis quand même inquiet, c'est... Une palette qui va manquer, je pense, aux Girondins. Les coups francs à 20-25 mètres, c'est quand même souvent dangereux. Si c'est cadré, ça peut souvent... tu prends le cadre, en général, ça fait but si c'est bien tiré. Et là, je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'on était très faible sur ce point-là. Mais bon, enfin, on va pas pleurer. Notre auditeur, Marco. Alors, on a Kevin qui est supporter de Monaco. Salut, Kevin. Qui voulait réagir avec nous à l'antenne. Salut, Kevin. Oui, bonjour. Bonjour, Kevin. T'étais au stade? Oui. Ah, t'as quel parcage, parce qu'il était bien plein, le parcage monégasque. J'étais au virage sud, en douille, t'es Charles. Oh putain, mais côté. Attends. Alors attends, alors deux secondes, il va falloir qu'on règle un truc lui et moi. D'où t'étais au stade toi? Mais j'étais tout en bas à gauche avec des gens comme. Mais ce matin, Non mais ce matin, t'as pas proposé de donner ton abonnement ou j'ai rêvé? Alors juste, absolument pas. On a Eric Bédoué qui en conférence de presse a parlé de François Camano et a dit François Camano, il vole en ce moment, il n'était pas content d'être sur le banc jeudi soir et en colère contre moi, mais je lui ai fait comprendre qu'on avait besoin de lui dimanche. Dimanche aujourd'hui. Hashtag génie. Bon Charlito. Oui. En dehors du fait que t'aurais quand même pu me prévenir, salopard. on va pas se mentir, on se connaît très bien. Je sais que t'étais un petit peu dépité jeudi soir après ce que t'avais vu à la Gantoise. Est-ce que ça t'a un petit peu remis un petit peu du baume au cœur de voir ce match-là? Alors, je suis plus aussi dépité que jeudi soir parce que jeudi soir j'avais d'énormes doutes sur la réaction de notre équipe. Ce en quoi j'ai toujours cru, parce qu'on a toujours reçu qu'on était capable de faire des gros matchs malgré des saisons un peu galères. Un exemple, le Bordeaux-Lyon qu'on s'est rappelé aujourd'hui avec quelqu'un qui a eu la chance d'être à queue pour ce match l'année dernière et qui était là aujourd'hui. Donc lui, le Vaudou, là, je crois qu'il va venir avec nous parce qu'il nous porte chance celui-là quand même. Et je suis très dépité jeudi soir, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que je sais pas d'où ça sort. Seb, tu me connais, les autres aussi, on peut parler football et tout, mais là c'est carrément, enfin c'est incroyable ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je parle pas du niveau de l'équipe parce que bon, il y a quand même des choses à revoir et tout machin, mais c'est hallucinant. J'aurais jamais mis un centime aujourd'hui sur un nul ou un 1-0 avec le but de la table contre Monaco quoi. Mais on va être d'accord parce que moi je te dis clairement que je pensais que Bordeaux sur ce match là allait en prendre 3. J'avais mis 4 ou 5. Quand on voit l'investissement des joueurs sur le terrain, quand on voit le niveau technique et tactique entre le premier match et le second. Ouais. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même équipe. Non, mais ça a rien à voir. Moi, j'ai regardé le match jeudi, déjà en streaming pourri, donc ça t'alourdit le match. Et oui, parce que SFR est pas disponible sur Orange, mais tu te dis, c'est pas possible, putain, la passe à 3 mètres, tu la rates. Mais on avait la même chose contre Toulouse, la passe à 3 mètres, tu la fais pas. Je vais te dire, moi je veux rester sur la Ligue 1 parce qu'après la Coupe d'Europe, c'est toujours particulier. On a quand même des jeunes joueurs, on a des arrivées, des mecs qui jouaient pas forcément la Coupe d'Europe. Valencia a une super expérience au Barça, mais ils jouaient pas la Coupe d'Europe. Donc ces mecs-là, à la limite, c'est des matchs quand tu fais 4000 bornes pour aller jouer je sais pas où. Je veux bien croire que les mecs passent un peu à la trappe. Bon là ça va, c'est en Belgique, ils connaissent quand même cette équipe en face et tout, mais bon, je veux bien croire qu'il y a un petit côté émotionnel et tout, qui soit déstabilisé. Mais si on reste sur le championnat, quand on regarde ce qui s'est passé à Toulouse et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à la limite ça confirme que le côté gauche, il y a énormément de travail, et le côté droit, ça peut être la folie. Mais moi là où je reviens pas, c'est au milieu de terrain. Comment on a fait pour être aussi nul, aussi inexistant, que ce soit technique, physique ou au niveau mental contre Toulouse, et comment on a fait aujourd'hui pour rivaliser avec Monaco? Il n'y a qu'un joueur qui change. Hein. Il y a toujours Lohrager et Plasil entre l'un qui avait l'air cramé jeudi et un où on sait que le ballon n'est pas forcément sur les rangs. Carré n'a pas débuté, mais Sankaré était titulaire à Toulouse, il n'était pas titulaire aujourd'hui. D'ailleurs, qui c'est qui l'a remplacé? Tchouaméni. Ah oui, Tchouaméni. Tchouaméni, ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que, par exemple, Plasil, que j'aime beaucoup, c'est pareil, j'aurais pas misé une pièce sur ce mec-là, allez, on le fait jouer titulaire tous les matchs, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, il court après le ballon, parce que il a plus les jambes d'avant. Il fait beaucoup d'efforts, mais souvent à côté du joueur. Mais après c'est pas tranchant quoi. Là aujourd'hui par exemple, je suis ravi. Alors je dis pas qu'il a été énorme et qu'il a récupéré tous les ballons, attention, parce que c'est pas forcément le cas. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir un peu l'unité de ces 3-4 joueurs au milieu de terrain. Oh putain, c'était cohérent quoi. D'habitude c'est cohérent dans le sens où il y en a pas un qui arrive à récupérer des ballons et qu'en plus les pales sont foireuses derrière. Là pour une fois c'était cohérent dans le bon sens, c'est-à-dire que chacun faisait des efforts, suivait l'effort du premier, ça pressait, c'était agressif, quand on récupérait la balle on faisait pas n'importe quoi. Je crois qu'à l'image de Monaco on a eu un ou deux ballons peut-être foutus en touche un peu trop vite, mais je suis même pas sûr que ce soit le milieu de terrain qui l'ait fait ça. Je crois que ça c'était un défenseur central qui l'a foutu en touche. C'est Pablo. Voilà ce que j'allais dire, si j'ai pas de conneries c'est Pablo, mais... Enfin, je sais pas, ils sont hallucinants. C'est incroyable. Et puis après la réduction de l'égalisation monégasque, on a vu, comme disait Adrien, ressurgir un peu le truc de dire oh la vache, bon ça y est, ils sont revenus derrière, on rate un péno, Marco. Oui, non, petite info supplémentaire qui vient de la zone de presse, qui a été relayée sur Twitter par Adrien Mathieu, un des journalistes qu'on reçoit souvent. Stéphane Martin sur la piste Thierry Henry. Et oui, parce que ce soir, on va plus parler de Thierry Henry que du match, malheureusement. Pour l'instant, on ne peut rien dire. On sera plus clair en milieu de semaine prochaine. Donc, en gros, on attend mardi, mercredi, pas d'infos avant. De toute façon, légalement, le club peut pas réagir. Donc, c'est pas compliqué. Ce qu'il nous faut dedans, c'est pour notre émission de demain. Demain que ça nous fout dedans, quand même. Ça va sortir dans tous les sens. On trouvera des trucs à dire, mais à la base, on était censé faire un truc genre arriver de Thierry Henry. Bon, on fera arriver de Comté à la place, c'est pas grave. On parle là, hein, parce que après Thierry Henry, zéro expérience. Peut-être qu'il avait à apprendre. Il avait peut-être à apprendre. Il dit que c'est trop risqué, mais peut-être qu'à un moment, il faut démarrer. Hein. Il verra s'il démarre avec quel club il démarre. Si vraiment ça se fait pas. C'est pour Bordeaux, entre guillemets, en termes médiatiques, c'est le coup parfait. Tu fais parler de toi pendant une semaine sur un truc qui se prend. Si Henry ne vient pas, on pourra légitimement, c'est ce que dit Thibaut, hein, sur Twitter, donc je l'ai cité dans l'intégralité de ses propos. Si Henry ne vient pas, on pourra légitimement et sérieusement s'interroger sur le projet américain et sa viabilité. Il y a beaucoup de flou qui entoure ce projet et qui nourrit bien des inquiétudes. Alors, juste pour terminer là-dessus, on en parlera surtout demain, puis on va revenir au match. Juste pour terminer là-dessus, je me dis. Moi, bêtement, je me disais, mais on va pas se mentir, on a eu l'information, et on peut être sûr, parce qu'elle vient d'une personne plus que proche, que Laurent Blanc n'était pas contre le fait de revenir à Bordeaux, mais il attendait lui aussi d'avoir des vraies garanties. Et à partir du moment où, en milieu de semaine, Laurent Blanc dit, ou en début de semaine, Laurent Blanc dit, non, je viens pas, c'est que pour moi, les garanties, il les a pas eues. Et je vois pas pourquoi Thierry Henry aurait eu plus de garanties que Laurent Blanc. Après, on y reviendra demain, mais oui. Par rapport à ce que tu dis sur Laurent Blanc, il y avait deux critères. Il lui fallait des garanties, mais il fallait aussi que lui regarde le staff de son côté. Est-ce que ça, par exemple, on a du nouveau sur ça? Est-ce que lui, il s'était trouvé un staff et ensuite il a dit non? Ou est-ce qu'il a dit non pour deux raisons? Les garanties et le staff. Alors nous, de ce qu'on savait, c'était qu'il n'était pas contre du tout, mais qu'il fallait qu'il sache qui serait son patron et combien il pouvait lui promettre, lui proposer en termes de d'effectifs, de moyens, de machin, tout ça. Et à partir du moment où lui refuse, je me dis, attends, si Laurent Blanc quand même, Thierry Henry, il a jamais coaché de sa vie, Laurent Blanc, c'est quand même Paris, c'est quand même équipe de France, c'est quand même Bordeaux, en tant que coach, le mec, c'est pas un pélo, s'il a refusé. Ouais, mais après, lui, par rapport à Thierry Henry, il n'a peut-être pas droit à l'erreur non plus. Il a déjà pris Bordeaux, il a déjà pris l'équipe de France. Ah, il a pas le droit à l'erreur. Au moment, il a pas de club, et s'il se loupe avec Bordeaux, il est mal, le man, parce que c'est pas où est-ce qu'il va rebondir. Alors que Henry, à la limite, t'as le bénéfice du doute. On sait pas où on va, on sait pas ce que ça va donner. Apparemment, les gens qu'il a côtoyés lui donnent du crédit, donc les Belges ou les petits Arsenal. Maintenant, lui, s'il se plante, peut-être que ça réussira ailleurs, tu vois. Enfin, oui, c'est pas non plus. Mais après, s'il doute, trop. Au bout d'un moment, est-ce que tu te poses pas la question, est-ce qu'il a vraiment envie de venir et t'as un autre, si c'est Ranieri qui arrive et qui te dit, moi je suis prêt et tout ça. Si mardi ou mercredi t'es toujours pas décidé, on fait Ranieri. Non, puis c'est surtout qu'à un moment donné, Thierry Henry, va falloir qu'il dise oui ou non. Il reste une semaine, le mercato, ça se finit le 31, c'est quand le 31? Vendredi? Oui. Gars qui va arriver mercredi, il aura 3 jours pour trouver un attaquant et peut-être un milieu de terrain. Et vous rendez compte que vendredi, on aura peut-être une émission qualif européenne et fin de mercato. Alors on vous le dit de suite, vendredi, ça peut faire comme la dernière fois. Hein. Ça peut commencer à 9h. Mais déjà, ça se terminera à minuit. Et finir à minuit. Ça se terminera à minuit parce que c'est la fin du mercato à minuit. Oui, on verra ce qui se passe. Hein, Charles, juste pour revenir sur le match, je disais, donc au moment de l'égalisation monégasque, on se dit, encore ça va recommencer. Et derrière le penalty, boum, raté. On se dit, ça va encore recommencer, on va pas y arriver. Et justement, non. Et en plus, le deuxième but, on va pas te mentir, nous, on était déjà partis pour arriver tôt à la radio pour prendre les bouchons. Et après, ça fait des trucs sur les gens qui gueulent, qui vont pas. Manu Longeon sur Twitter, qui sont très bien informés. Les négociations ne sont pas fermées entre Thierry Henry et les Girondins. Elles sont toujours en cours en ce moment même au stade. Donc, si Thierry Henry est au stade, ou au stade, par téléphone. J'ai quand même énormément de mal à croire qu'il a dit non. Enfin, attends, si Thierry Henry était c'est au stade, c'est, on l'aurait su quand même. Mais par contre, une information. Par téléphone, hein, alors, c'est un indice que c'est en cours de négociation parce que sur le match. Un indice, c'est à Valbuena. Non, mais sur les. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Mais c'est marrant. Au cours du match, il y a eu un plan à la 20e minute sur la tribune de presse bordelaise. Oui. Il n'y avait pas Stéphane Martin. Qui arrivait qu'en cours de seconde mi-temps, je crois. Il y avait Nicolas Tavernier. Il y avait Nicolas Tavernier, il y avait Jean-Louis Trio, il y avait De Vesseler qui s'est fait siffler. Voilà. Mais il n'y avait pas Martin qui arrivait qu'en cours de match. Donc bon, information. Information, mystère, suspense. Donc. Il donc, a juste envie de pisser. Donc, Charles, un mot quand même sur cette équipe, parce que on parle beaucoup de Bordeaux, c'est vrai que c'est Bordeaux qui a battu Monaco et pas Monaco qui a perdu face à Bordeaux. Mais, quand même, cette équipe de Monaco, moi je disais à ce micro, quand on a fait les pronos, mes collègues, ils disaient, 3-0, 3 machin. Je dis, moi, Monaco, je les ai vus sur les deux premières journées. Ils m'ont pas bouleversé, franchement. Bon, ce soir, ils nous ont quand même un petit peu chatouillé en deuxième mi-temps, puis en fin de première. Mais je les ai pas, ils m'avaient pas bouleversé les deux premières journées. J'ai pas trouvé le Monaco. Non, c'est pour ça que je te dis que c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. C'est que les seules certitudes qu'on a, c'est nos défauts. Réellement, c'est ça depuis des années. Monaco, les certitudes qu'ils ont, c'est les jeunes qui sortent, la qualité technique, la qualité, enfin le bloc équipe qu'ils ont, la façon qu'ils ont d'accélérer quand ils veulent ou quoi. La première mi-temps, par exemple, j'étais content parce qu'on avait rivalisé un peu avec cette équipe-là. On était loin d'être dégueulasse. Pour une fois qu'on passe à la télé, en plus, c'est bien. Parce que, enfin, il y a comme des fois, on s'est pris de belles branlées en passant sur Canal ou quoi. Là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on rivalise. Mais on sent bien quand même que malgré tout, les mecs, quand ils veulent, ils peuvent nous mettre à l'amende, quoi. Genre, la première mi-temps, t'as quand même Kossi qui fait une petite parade. C'est peut-être la première frappe où il y a un crochet, une frappe enchaînée, bon ben elle est déjà dangereuse, tu vois. Ce qui me fait super plaisir, c'est que malgré ça, malgré les certitudes qu'on a en face, on n'a rien lâché. En deuxième mi-temps, là je rebondis un peu sur ce que vous cherchiez à dire tout à l'heure. Moi comme Monaco ils égalisent, la chose qui m'emmerde, c'est que c'est le moment où enfin il y a quelqu'un qui va rentrer, on va avoir du changement. Donc il y a Sankaré, le pauvre qui attend de rentrer, bam, un partout. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que l'équipe, pour une fois, là, pour la première fois depuis le début de saison, je vois un vrai mental, on va dire. Et depuis très longtemps. De quoi ? Depuis très longtemps, parce que moi, j'ai pas à souvenir. Moi, franchement, depuis je te très dis, longtemps, quoi ? Quand tu prends le but sur une erreur de Koundé, déjà, j'ai plutôt l'impression que tu vas en prendre un. Et après le péno, je suis persuadé que c'est nous qui allons prendre le but dans les arrêts de jeu. Oui, oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est que ce qui me fait plaisir à ce moment-là, c'est qu'on a, eux, ils ont déjà fait deux changements. D'ailleurs, je crois que le buteur, c'est celui qui rentre. Nous, oui, c'est on a Sankara qui attend pour rentrer. 17 ans, et derrière, on a réagi un petit peu à l'européenne de se dire, bon, de toute façon, il y avait 1-0, on voulait tuer le match, on met un deuxième. Il y a un partout, c'est pas grave, si on en met un deuxième, on gagne. Un peu comme le fameux but à l'extérieur, tu sais. Mmh, oui. Quand tu dois absolument en mettre un, que tu perdes 1-0 ou qu'il y ait 0-0, si tu veux mettre, t'es qualifié. Bah là, c'est un peu pareil. Et ça m'a fait plaisir de voir ça, parce que c'est super rare, quoi. Genre, nous, mentalement, généralement, on n'est pas là. Quand on se prend un but, derrière, c'est un peu chaud. Et là, malgré le fait qu'ils aient quand même réussi encore après ça à garder un peu le ballon, à être de plus en plus dangereux, non, on n'a pas tenu, enfin, on a pas lâché, quoi. Maintenant, pour en revenir au but, le seul truc qui... Ce que je me dis, c'est que sur le coup, c'est nous qui leur donnons vraiment. Et par contre, là où ça aurait pu nous affecter, c'est que putain, pendant tout le match, on fait des passes en retrait. Le seul moment où il faut en faire une, on la fait pas et on se prend le but. Oui, c'est vrai qu'on a passé le match, t'as raison. Le coup des passes en retrait, moi j'en pouvais plus. Je suis désolé, ouais. Je fais que vous couper. Nicolas Taverneau, pas de décision avant mercredi. Je travaille plus sur le foot que sur la télé. C'est Thierry Vautrat qui dit ça. Ouais, c'est Thierry Vautrat qui remet l'info. Non, par rapport. Au match c'est de une blague de où il a dit vraiment ça. Non, en fait, il a vraiment dit. Ah, enfin, okay. C'est Thierry Vautrat, moi, qui ai fait une blague, mais pas de ce moment. Par rapport, alors on a aussi Diabaté 33. Je crois qu'il y a Thomas qui voulait dire un truc. Diabaté 33 qui a réagi sur aussi sur. Enfin, j'ai on a info, hein, qui ont réagi sur la Thierry Henry. Je vais y arriver. J'ai un peu de mal. Hein, je suis encore sur le match. C'est dimanche. Les négociations continuent entre les Girondins et Thierry Henry. L'agent de l'ancien joueur a rencontré les dirigeants. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucune réponse négative a été reçue par le club. Passons ce sujet. Tu en penses quoi du match de jeudi? T'es plutôt confiant par rapport à ce que tu as vu ce soir, ou ça sera autre chose et on verra? À qui tu parles? À toi. Allez, Kevin. Ouais. Non, ce que j'attends, déjà la mentalité, le côté exemplaire sur le terrain. Déjà, si on fait la même chose et qu'on se fait éliminer, j'aurais déjà un peu moins les boules, quoi. je sais pas quoi en penser, parce que Seb il a raison, jeudi dernier, mais je les ai enterrés, j'en pouvais plus, quoi. Parce que tout le monde a dit que soi-disant la Gantoise, ça allait être au-dessus de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en Europe. Au final, c'était quand même archi nul, je suis désolé, moi j'ai pas été épaté par cette équipe. Devant, bon, ils ont quand même ce qu'il faut pour arriver devant le but et louper deux fois la manquable et toucher le poteau, donc ça veut dire qu'ils sont quand même meilleurs que nous à un moment donné, mais c'était pas la folie. Donc là, je commence à me dire que si on a le même état d'esprit pour aborder le match, on peut faire un petit quelque chose qui fait que eux ne réagiront pas, et puis voilà, on peut avoir une qualif un peu facile à 1-0. Maintenant, le problème c'est que mon équipe, je sais pas jusqu'où elle est capable d'aller. Je rêve de voir Bordeaux sur le toit du championnat, de l'Europe, de la Coupe de France, enfin tout. Mais je sais pas du tout si on est capable d'enchaîner les matchs, de faire plein de choses. Enfin, je sais pas. Ce que je disais tout à l'heure, les seules certitudes qu'on a, c'est au niveau de la médiocrité, quoi. Donc ça fait chier. Allez Bordeaux, mais pas ça, quoi. Je sais pas quoi te dire de plus pour jeudi. Parfait. Hein, mon petit Charlito, de toute façon, il va falloir passer à autre chose parce qu'on a quelqu'un au téléphone qui attend. Ouais, tant mieux, derrière toi. Il va falloir que je me barre. C'est un pont bizarre, on a des petits chelous aussi au loin et on va avoir des problèmes. Toi, donner argent. Allez. Ouais, exactement. Ouais. Bonne soirée, mon petit. Et puis, on se capte. Oui, tout à fait. Allez, merci, Charlie. Salut, les gens. Bisous, ciao, mon grand. On va enchaîner. Hop là, tout de suite. Vas-y, Marc. C'est bon. On va enchaîner tout de suite avec notre invité qui n'était pas prévu, mais qui est là quand même, et on est content de l'avoir, c'est Manu Longeon. Bonjour Manu, bonsoir. Salut. À cette heure-ci. Ça va? Bah ça va, oui, plutôt bien là, on est bien, on sort du stade, on a battu Monaco, il y a eu des pénaux ratés, des poteaux, des jolis buts. Qu'on n'a pas vu. Alors Manu, on t'a eu quand même hyper rapidement. Merci hyper à rapidement toi. Pour l'info principale, c'est d'avoir donc ton sentiment sur ce Bordeaux Monaco. Justement, avant qu'on attaque rapidement, voilà, parce que t'as vu le match quand même. Oui. Rapidement quand même, avant qu'on attaque le dossier un petit peu plus chaud. Rapidement quand même, voilà, ton analyse sur ce match-là, c'était quand même un bon Bordeaux. Ouais, c'était un bon match, et surtout c'était des choses qui ont dû vous faire plaisir à vous, c'est-à-dire qu'au-delà de la qualité, tu sentais que les mecs avaient envie et que ça s'est joué beaucoup sur l'aspect mental, parce qu'après l'égalisation, Bordeaux a continué, alors c'était un coup dur. Donc puis il y a un pénalty raté, donc je trouve que c'est des matchs bascules dans une saison, ces choses-là. En tout cas, ça peut l'être. Alors, oui, c'est vrai qu'après là, enfin, c'est horrible parce que c'est ce qu'on disait au stade. Tu mènes 1-0, tu fais plutôt un bon match dans l'ensemble. On fait une erreur de plus sur le début de saison, une erreur qui coûte cher parce qu'on a vu le dégagement raté de Costil et Le Rouge au premier match. Un match très compliqué avec beaucoup d'erreurs dans le jeu contre Toulouse. Là, ça faisait la troisième en trois matchs de Ligue 1 pour quasiment perdre de points voire plus, et il s'avère que par chance et talent, j'ai bien envie de mettre les deux, on remporte ce match. Est-ce que pour toi ça peut être vraiment le déclic, le match référence de début de saison des Girondins de Bordeaux, ou alors est-ce que c'est trop tôt? Match référence, oui, mais d'un autre côté, quand tu vois les matchs des Girondins depuis le début de saison, c'est pas non plus un truc exceptionnel. Oui, il n'y avait pas de mal à faire mieux. C'était ça. Mais par contre, ce qui est quand même lourd de sens, c'est que comme tu le dis, les Girondins ne jouaient pas bien et avaient aussi très peu de réussite. Tu prends le match contre Strasbourg, l'erreur de dégagement de Benoît Costil, le rouge de Pablo, c'est au bout de genre un quart d'heure, 20 minutes, un mémoire ou un truc comme ça. Donc après tu vois, c'est quand ça va pas, c'est ce qu'on dit, la loi des séries au foot, ça fonctionne, et tu as aussi l'effet inverse où des fois t'as des équipes, et j'ai connu ça à Montpellier moi l'année du titre, où tu sais qu'à un moment si t'as la moindre opportunité tu vas la saisir, et voilà, c'est comme ça maintenant. Un partout c'était dur, il y a un pénalty, il est manqué, et d'avoir les ressources pour marquer un deuxième but qui en plus est magnifique collectivement, c'est plutôt positif pour Bordeaux. En tout cas, je pense que au-delà d'un match référence, ça t'évite vraiment des grosses difficultés. Cyril, bonsoir Manu. Salut. Moi j'ai trouvé, alors je te demande ton avis, j'ai trouvé que les recrues notamment sur le côté droit ont été intéressantes. Ton avis sur Kalou et sur Palencia? Alors Palencia, déjà le premier match je l'avais trouvé intéressant moi. À Toulouse, moi j'avais trouvé aussi, ouais. Ouais. J'ai trouvé qu'il avait quelque chose. Et après, Kalou, c'est quelqu'un qui a cette qualité de faire des grosses différences. Et je pense que c'est quelqu'un qui sur le côté, comme il l'a fait ce soir, va être une vraie plus-value parce que il va vite. Et ces changements il les a fait souffrir. Hein. Ouais, il les a fait souffrir. Et puis, tu sais, quand t'as aussi, ça oblige la défense. Elle peut pas monter trop haut parce que quand t'as un mec comme ça avec la possession, tu sais que dans le dos, il est dangereux. Et puis, il y a des changements de jeu. Moi, c'est après, enfin, sur le match de Toulouse, j'avais pas forcément vu ça, mais sur ce match-là, il a la capacité à. Les transversales, l'abandon, on a plus ça depuis Fernando. C'est ce qu'on disait, c'est juste qu'on avait plus l'habitude, en fait. Non, mais c'est on était plus habitués. Et puis, pas des transversales pour revenir en arrière, des transversales qui vont vers l'avant, en plus. C'est-à-dire que Non, mais son penalty obstrue un petit peu sa prestation, mais moi, je l'ai trouvé bon, ouais. En tout cas, Palencia et Kalou, ça semble pas mal. Et même brillant. Même brillant, moi je trouve. Brillant, il a fait quand même une première mi-temps où il a été, on va dire, courageux. Ah oui, il s'est tapé Glick aussi tout le match, après, il faut se l'enfiler quand même. Enfin, façon de parler. Après, brillant, ça n'a jamais été un mec avec très sexy, les paillettes, etc. Mais par contre, tu sais qu'il va te mettre des buts, qu'il va batailler, qu'il va embêter, et puis s'il a une opportunité, il est plutôt à droite. Thomas. Oui, bonsoir Manu. Moi j'ai trouvé personnellement que Monaco ils perdent le match en seconde période quand eux ils contrôlent plutôt le ballon. C'est parce que nous on a pu profiter de rencontres et défensivement c'était très faible Monaco. Il y avait beaucoup de trous en défense. Monaco n'a pas été bon. Alors après c'est toujours pareil. Est-ce que c'est parce que Bordeaux leur a fait mal ou est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas bien? C'est sûrement un peu des deux. Mais Monaco n'a pas fait un bon match. Hein. Manu, on va passer à l'information quand même de la soirée. Alors c'est dommage, ça va éclipser peut-être un petit peu la bonne prestation des Girondins demain dans les journaux. Alors là, en plus, pour le coup, faut le faire quand même, c'est Paris Match. C'est le truc totalement... T'as vu avec qui je suis en concurrence maintenant? Ouais, non mais c'est improbable quand même. C'est Paris Match qui sort l'info. Comme quoi... Il va falloir que je contredise Pif Gadget. Ouais. Non, mais le truc, c'est qu'en imaginant qu'ils aient raison à la fin, c'est Paris Match qu'on va sortir en premier l'info. Ouais. Non, mais c'est juste pour ça, il faut pas que ça arrive. Il faut pas qu'ils aient raison. Donc vas-y, dis-nous les infos qui vont prouver qu'ils ont tort. Alors, je peux pas te donner les infos qui vont prouver qu'ils ont tort. C'est que, factuellement, quand l'info est sortie, je me suis renseigné. Et j'ai été surpris, puisque pour être très clair, la tendance n'était pas du tout celle-ci. Et, j'ai demandé. Et on m'a dit que c'était pas vrai. Que c'était pas vrai de dire qu'il avait refusé. Mais on m'a aussi dit que c'était pas vrai de dire qu'il avait accepté et qu'il serait l'entraîneur jeudi. Ouais, donc en gros, personne ne sait pas grand-chose, quoi. Mais par contre, ce qui est important par rapport à l'info, c'est celle-là qui est importante, c'est quand on te dit qu'il a dit qu'il devrait refuser les Girondins. C'est conditionnel, hein, je vais pas leur reprocher, je l'emploie souvent. Mais actuellement, avec le board bordelais, au moment où j'ai envoyé le tweet, ils discutaient encore. Donc s'il avait refusé, il n'y a plus de raison d'avoir des discussions. Oui, c'est sûr. Donc factuellement, vu que les négociations sont en cours, après il y a un bordelais qui vient me faire rire parce que je dis qu'il y a des négociations en cours au stade, le mec il me répond faux, Henri n'était pas au stade. Oui, on est d'accord, il n'était pas au stade. Mais tu n'es pas avec moi en studio et pourtant nous avons une discussion. Manu, moi, il y a quelque chose quand même qui est important que tu ne sais peut-être pas parce que tu n'habites pas Bordeaux, mais pour jeudi, ils ont invité les abonnés alors que c'était pas prévu. Les places étaient payantes à des prix 15 euros allant jusqu'à 55-60 euros et 15 euros la moins chère. Elles sont passées toutes à 5 euros. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté une place pour Monaco avait une place offerte pour jeudi. Donc ça sent quand même une grosse annonce quand même jeudi. Alors, la comparaison va pas vous plaire, mais pourtant je vais la faire. Méfiez-vous, moi je connais un club qui avait fait des annonces avec Puma, oui. Avec une grosse annonce à 22h15. Et ils attendent. Hein. Non, mais c'est vrai, on a vu des annonces comme ça. En fait, c'est vrai que moi j'ai trouvé le truc un peu bizarre de comment dire. Alors, d'anticiper moi, sur un truc alors qu'il n'y a encore rien fait. Avant le match, on m'avait dit ça. Avant du match, on m'avait dit ça. On m'a dit, il y a de grandes chances que Henri soit le coach pour qui prenne sa position mercredi et qu'il soit coach jeudi. Ça, c'était l'info qui tournait. Et quand Paris Match donc a dit qu'il ne devrait refuser, j'ai demandé et on m'a dit que les négociations étaient toujours en cours. Ce qui veut dire que tu peux partir du principe que si elles aboutissent, Ils sont d'accord s'ils arrivent à un accord que mercredi vient et jeudi ils entraînent. Mais en tout cas, le fait qu'elle continue, ça veut aussi dire qu'il a pas refusé. Mais toujours en direct. Excuse-moi, je te coupe avec Manu Longeon de Yahoo Sport. Vas-y, Marc. Il est en discussion avec quoi, selon toi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt sur la piste de l'arrivée d'un joueur, ou est-ce que c'est plutôt sur son staff, sur des garanties futures? Parce que j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui. Pour moi, c'est que des garanties. Ouais, mais il va pas les avoir en parlant Nico Tahano, avec Martin, c'est ça le problème? Il peut en avoir. Il peut en avoir. Moi, je suis très partagé parce que je faisais partie des gens qui, au début, ne croyaient pas à la possibilité qu'il vienne. Parce que je le voyais pas mettre les pieds là-dedans, etc. Et puis après, plus les négociations avançaient, plus la faisabilité de la chose approchait, en étudiant la chose, c'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'il peut toujours venir, mais que si on parle vraiment d'un investissement, comme je dis, de 60 à 80 millions sur 3 ans. Ah, il fait la fine bouche quand même, parce que si avec ça, et ça le décide pas ça à venir. Pas énorme, excuse-moi, mais dans le mercato actuel. Oui, c'est pas grand chose. Millions, ouais, ouais. Ça fait 20 millions par an. Si tu prends le transfert et salaire, hein, ajouté. Tu fais un gros joueur ou deux par an. Or, l'effectif actuel de Bordeaux me semble nécessiter un peu plus d'apport que ça. Mais par contre, moi, je pense que de ce qui se dit, c'est que ça serait quelque chose qui pourrait être sur la durée. Donc ça m'étonne un peu parce que moi, on me parlait de contrats plutôt longue durée. Mais en fait, il y a plusieurs bruits. Même 5 ans, je crois. Alors, il y a eu les 60-80 millions d'euros en investissement. Après, ça a été sur... Il y a aussi le bruit, c'était pour développer le club à l'étranger, ces 80 millions. Ouais. Maintenant, il y a l'équipe, il me semble, cette semaine qui a sorti que ça parlait de 160 millions. C'est vrai qu'on est dans le flou total par rapport au projet des Américains. Mais ils se sentent... Enfin, moi, ils me semblent pris un peu aussi à leur piège. Parce que même ESPN aux États-Unis a fait une émission spéciale sur Henry à Bordeaux. Oui, mais ça encore, c'est pas grave que les médias fassent des émissions et que ça se fait pas. Bon, c'est-à-dire que c'est leur crédibilité à un moment donné qui va être attaquée. C'est-à-dire que s'ils le font pas, ça. Non, mais c'est ce qu'on disait. En tout cas, c'est ce jamais seront tous les responsables. Pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Hein. Ah oui. Ça, c'est un autre débat, mais c'est un cadeau empoisonné parce que si tu regardes bien la communication telle qu'elle est faite, même si je ne me souviens pas avoir entendu de Taverneau, parce que plus c'est pas son genre, mais dire textuellement, nous, on est d'accord. Si les Américains valident, Thierry Henry sera le futur coach. C'est vrai que le club ne l'a jamais le officiellement dit. Le CFC annonce la même chose. C'est quand même un cadeau empoisonné. Parce que t'imagines quand même le cadeau empoisonné de dire donc à vous les supporters de Bordeaux, eh ben s'il ne vient pas, grosso modo, c'est de la faute d'Erika. Bah, c'est un peu ça, oui. Moi, c'est un peu ça que je pense qu'il va se passer si jamais Thierry Henry ne vient pas. Je pense que ça va charger sur l'Erika. Hein. Marc, tu disais le CFC. Juste, non, ce que je dis sur Twitter, parce que forcément, on regarde pas Canal en ce moment, c'est Rémi sur Twitter qui nous dit que le CFC annonce aussi que Henry a dit non aujourd'hui. Non, le CFC, alors j'ai répondu à Hervé au Twitter, tu regarderas. Il y en a quelques-uns. C'est parce qu'en fait, le CFC, moi, je l'ai regardé juste avant. Le CFC, c'est Hervé Matou qui a repris l'info Paris Match. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ils ont pas du tout. Donc, ils ont pas d'info. Ils l'ont dit pendant qu'on est au téléphone. Mais sinon, ils ont pas dit ça. Mais, par contre, si Henri vient pas, il y a deux noms qui sont sortis. Alors, un qui était déjà sorti, Ranieri. Et un deuxième. Tu sais quoi, je vais vous en donner une. C'est pas lui. C'est pas Ranieri. Non. Comté? Moi, je sais que Comté était sur Bordeaux très récemment. Après, je peux pas vous dire qui alors, m'a dit. Je fais pas de teasing, j'ai pas le nom. Mais je te dis que, mais par contre, puisque j'ai demandé, c'est pas lui. Et si ça se fait pas, Henri, on m'a dit qu'on me le donnerait. Donc, c'est pas Ranieri. C'est une grosse info, ça. Non. Ça veut dire que pas Ranieri, ok. C'est surtout une bonne nouvelle pour le jeu des Girondins, si tu veux. Oh. Bah, tu te rappelles de Nantes l'année dernière. Il n'y aura pas besoin de recruter, lui, il se satisfera. Ouais. Rappelle-toi des classements de Leicester et de Nantes aussi. Oui, mais enfin, Leicester avait pas. Oui, je me rappelle de. Tu parles, ça dépend. Tu parles de l'année du titre ou de l'année d'après? Bah, l'année d'après, il l'a pas faite. Hein. Il a fait 6 mois. Il a fait 6 mois. Il a fait 2 mois, je crois. Moi, c'est ça qui me ranierie. Bon, c'est sûr, c'est moins excitant que. Non. Mais moi, de ce qu'on me dit, ça serait pas lui. D'accord, par Aniri. Mais on nous parle d'un entraîneur international vu que le nom est sorti. J'ai pas le nom, donc je peux pas te. De toute façon, là, pour parler de propre jeu, ce que tu disais, Manu, tout à l'heure, ils sont pris un peu à leur propre jeu. Après avoir sorti le nom de Thierry Henry, après avoir entendu, parce qu'on n'a pas entendu que Thierry Henry, on a eu entendu Laurent Blanc, on a entendu Ranieri. Ils ont pas le choix. On a entendu Laudrup, on a entendu Klinsmann. Ils ont pas le choix de prendre un mec qui claque. Je veux dire, ils peuvent pas, au final, dire. Avec Pascal Duprat. Voilà, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Pascal Duprat ou Eli Bop ou surtout Eli Bop, mais je veux dire, tu peux pas revenir à un truc, tu vois ce que je veux dire, au final on prendra Jean-Pierre Pilastre, quoi, tu vois, c'est pas possible. C'est pour ça que je trouve que cette situation est très dangereuse et je pense qu'ils en sont tous bien conscients et que finalement c'est pour ça aussi que c'est plutôt on peut être plutôt optimiste pour les négociations parce que au-delà des garanties et des quelques millions que coûterait Henri et son staff, t'as aussi directement en termes d'image, t'imagines, tu prends un club et là t'es pas arrivé, alors que d'habitude quand tu prends un club, les gens sont plutôt enthousiastes, ils rêvent même, pour pas dire qu'ils fantasment, et là tu te retrouves avec directement sur quelque chose de négatif. Oui, c'est ça. S'il vient pas Henri et que tu te retrouves Eric Bédoué qui est confirmé jusqu'à la fin de la saison, je pense qu'Eric Bédoué vous l'aimez bien, mais les supporters seront déçus. Et qui plus est, les Américains porteront, donc la nouvelle direction portera entre guillemets à tort ou à raison la responsabilité de la non-venue de Thierry Henry. C'est pour ça. C'est ce que je te dis, moi quand j'ai vu sortir ça, je me suis dit, ben c'est vraiment un. Alors d'un autre côté, on dit ça, mais M6, eux, ou De Taverneau n'ont jamais confirmé que c'était cette situation-là. Ils n'ont jamais communiqué dessus, ça c'est clair. C'est que des bruits, des informations mais, qui ressortent. Par contre, c'est toujours le président actuel, monsieur De Taverneau. Jusqu'à septembre-octobre, normalement, c'est. Voilà, lui négocie avec Thierry Henry. D'accord. Donc pour l'instant, les Américains ne sont plus dans le. Ah si, ils sont. Bah tu te doutes bien qu'il peut pas prendre de garantie pour eux parce qu'ils leur signent pas un contrat d'un mois. Mais c'est pas ça. C'est que si les Américains ça se fait pas, il faut que De Taverneau soit capable d'assurer derrière aussi. Oui. Et puis je pense que lui, avec son expérience et que c'est encore lui le président, je pense que c'est lui qui fait le lien. Et d'ailleurs, je crois que au départ, le choix de Thierry Henry, si j'ai bien compris, était le sien. Il y a plusieurs rumeurs. Donc Manu, c'est pareil, encore une fois, t'as De Taverneau qui choisit côté français, et puis ça serait le mec des Lakers, qui aurait soufflé le nom. C'était qui nous avait dit ça à la radio? C'était Damien Mathieu ou Jean-Marc Tellement? Adrien Mathieu qui nous avait dit ça. Clément Carpentier. Ouais, peut-être. Après, sincèrement, je suis pas bordelais. Moi, la seule chose que je peux dire qu'on m'a confirmé. Personne peut être parfait, hein, Manu. De source sûre, c'est que après le match, les négociations n'étaient pas rompues avec Thierry Henry, ce qui signifie deux choses. La première, c'est que si les négociations étaient en cours, c'est qu'elles ne sont pas finies. Et si elles ne sont pas finies, c'est qu'il n'a pas refusé. Non, par contre, la question, est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de mettre la pression sur les Américains? Tout simplement. Mais pour moi, c'est que ça. C'est que ça, parce que quand tu sais comment fonctionne Bordeaux, d'habituellement, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, pour avoir des infos, c'est quand même toujours calme. Poyet, il est arrivé, personne ne l'a vu venir. D'accord. Donc les choses, surtout qu'en plus à Bordeaux, il y a aussi cette culture du secret où on n'aime pas trop les choses qui sortent. Et nous de l'extérieur, c'est comme ça que c'est perçu. Si c'est sorti, c'est qu'il fallait que ça sorte. Oui, en général, c'est sûr. Thierry Henry, quand même, son nom, il est sorti super vite. Hein. Ouais, pour rien te cacher, la liste Laurent Blanc, Ranieri, Thierry Henry, on entendait déjà parler en juin. Nous, on a déjà entendu parler en juin. Donc c'est que c'est pas quelque chose de nouveau quand même. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que Henri, qui est la priorité, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se sont sues sur Henri. Ils ont confirmé les négociations, je crois, à un moment. On a dit que c'était le premier choix. L'équipe a sorti beaucoup de choses dessus. Et l'équipe, même s'ils sont très bien informés comme tout le monde, pour qu'ils aient des infos, faut qu'on leur les donne. Hein. Oui, c'est ça. C'est surtout qu'une information, quand on dit on a une info, c'est pas à nous qui avec nos petits moyens, enfin surtout nous. Voilà, c'est que t'as toujours, enfin tu sais comment ça fonctionne. C'est toujours quelqu'un ma vie, qui. C'est-à-dire qu'on dit ouais, t'as pas d'infos, mais voilà. Mon mérite, c'est pas d'avoir des infos, c'est de connaître des gens quand on. Voilà, c'est ça. Adrien. Non, ce qui est très étonnant dans ce dossier, ça veut dire que le nom Henri déjà qui sorte, c'est étonnant vu on a parlé concernant M6 et tout ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a l'autre information qui sort en même temps d'un international, d'un grand entraîneur international, et qui serait très intéressé et dont son profil, on aurait dit direct oui. et en même temps que l'information d'Henri, et après l'information d'Henri a pris le pas, enfin, c'est le flou le plus total. Alors, est-ce que Henri, c'est vraiment un écran de fumée presque? Alors, ce que je peux te dire de source sûre et certaine, c'est que Henri parle bien avec les Girondins. Ça, que ce soit bien clair, quand même. Oui, d'accord. Il parle avec eux à 100%. Et contrairement à ce que je pensais, c'est là que je l'ai appris, dès le début, il a accepté de parler. Moi, je pensais qu'il allait poliment, au bout de quelques jours, refuser, ou de quelques heures. Mais il a parlé. Le nom de Grimandi, il n'est pas sorti d'un chapeau. Après, celui de Wenger, peut-être plus. Oui, parce que les gens ont fait la connexion, Henri, Wenger, tout ça, Arsenal, machin. Les négociations, je suis sûr et certain qu'elles existent. Mmh. Après, moi, je vous dis pas qu'il va venir et que c'est sûr, mais par contre, ce qu'on m'a dit, et c'est quelqu'un de très très fiable, qu'elles n'étaient pas finies puisqu'elles étaient encore en cours. Donc pour résumer à 20h15 dimanche, pour résumer très simplement, on a une direction qui ne sera plus la future direction, qui discute avec un coach qui sera peut-être pas le futur coach, tout en demandant à la future direction qui sera elle-même peut-être pas la future direction, s'ils sont d'accord, c'est ça? Non mais c'est la situation de Bordeaux, mais sauf que là où on peut le dire, c'est que par contre, il est évident que si De Taverneau discute, il discute pas tout seul. Il prend pas les engagements tout seul. C'est-à-dire que les engagements qu'il prend, il les prend, j'imagine aussi, en discussion, en concertation et pour les nouveaux propriétaires. On verra cette semaine, en tout cas c'est sûr, il y a des crânes qui vont chauffer, que ça soit au Hayan, chez les journalistes ou même chez nous. Je pense que là, la semaine, on est dimanche. C'est la dernière semaine du mercato pour les joueurs. Il va y avoir d'autres actualités. Et puis, c'est jeudi votre match, c'est ça? Nous, c'est jeudi 20h45. Oui. Bah voilà, et ben ça va être vite là. Hein. Bonne chance, t'es le mec. Bon, bonne chance, les gars. Voilà. J'aime que pourra. Merci beaucoup, Manu, d'avoir été avec nous juste après le match. Ouais. Juste en rappel, que vous pouvez le trouver chaque mardi, jeudi et vendredi sur Tutut Mercato sur Yahoo Sport. Exactement, Yahoo Sport. Et Twitter et tout ce qui va bien. Merci, Manu. Merci Manu, bonne soirée. Ciao. Salut, ciao. Sympa lui, ouais, d'avoir réagi en direct à l'histoire de avec un gros scoop. Avec un gros scoop qui serait donc que Ranieri ne serait pas le futur entraîneur des Girondins en cas d'échec des négociations avec Thierry Henry. On repasse sur le match. Oui, parce que entre-temps nous ont rejoint donc Cyril et Enzo, grâce à qui on a pu avoir d'ailleurs cette. Enfin moi perso j'ai trouvé ça top les gars. Je sais pas si vous avez trop galéré ou pas pour avoir des gens en direct. Ça a été très difficile. Ah ouais. Les gens ils nous ont mis des bâches, c'était horrible. Ben non. Ah non, je sais pas, j'en sais rien. T'as raccroché non? Non mais en tout cas chapeau les gars parce que franchement à l'antenne ça rendait très bien. Donc c'est que on a croisé Alexandre Mendy et Sabali. Et comment il va le petit Mendy alors? C'est à eux qu'il fallait demander une interview. Ouais, mais sauf que Aurélie Carré elle veut pas. Mais elle les suit partout en fait, elle les traque les mecs. Elle était juste derrière. Non, elle était pas juste derrière, mais la réponse a été il faut passer par Aurélie Carré. Ah d'accord, OK. Je crois qu'elle les suit. Si tu nous écoutes, un jour faudra nous accepter qu'on passe par toi. Ouais, oui, c'est clair. Ouais. Franchement, tu nous mets souvent des bâches, Aurélie. Juste une fois. Fais-nous une surprise, dis oui. Juste une fois. Une fois, tu nous dis oui, on sera content. On accueille quelqu'un au téléphone. Thibaut. Salut Thibaut. Salut les gars. Comment ça va, mon grand? Ça va. J'ai des difficultés pour parler, mais ça va. Ah, salut Thibaut. Parce que t'as trop crié, c'est ça? Ouais, j'ai un peu crié. Ouais. Bon, alors Thibaut, ce match, c'était bien. Allez, on va faire simple. Ouais, c'était bien. Ça fait du bien d'enchaîner une victoire quand même en championnat. Donc c'était bien. Après, on va pas faire le tatillon. On va dire que tout était parfait. Oui, et puis surtout, on a fait plutôt une première mi-temps solide sans se découvrir. Ouais. Tactiquement, on a plutôt été en place et Monaco a pas forcément été très dangereux. En deuxième mi-temps, on a su marquer grâce à Kalou qui fait une superbe action individuelle. Mmh. Derrière, on baisse un peu de pied, on accepte la domination monégasque et on recule et là on commence à voir Ronny Lopez. Et malheureusement, on prend un but sur une bêtise de Jules Koundé. Petite boulette, ouais. Mais derrière Jules Koundé, ce qu'on peut lui mettre à son crédit, c'est que derrière il se rattrape. C'est lui qui fait l'interception et qui derrière, à l'arrivée, ça fait but quoi. C'est ce que disait Adrien avant que vous arriviez. Ouais, il disait que justement, ça l'avait pas mis la tête dans le seau. Il s'était un peu. C'était bien repris après, ouais. Mais voilà, mais ce qui fait plaisir, c'est que ces trois points-là, ils vont être importants dans le mental. Ah oui, parce que là. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que bon, on suit Bordeaux nous depuis début de la saison et on voit un petit peu les contenus des matchs. Et là, on a senti les joueurs peut-être un peu plus. En fait, on a été ce qu'on a été à la Gantois, c'est-à-dire. Voilà, compact, en essayant de fermer les espaces derrière. Mais on a aussi été plus rapide dans la relance, ce qu'on critiquait un petit peu après le match de la Gantois, c'est-à-dire qu'on s'était contenté uniquement de défendre. Et là, on a été un peu plus tranchant dans les offensives. Donc c'est plutôt intéressant. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé le match de Kalou. C'est, je pense, le détonateur sur ce match-là, c'est passe par lui. Alors après, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment avec Briand ou avec Depréville. Mais on sent quand même qu'il y a un côté droit qui est peut-être intéressant. Côté gauche, moi j'ai trouvé l'illustration parfaite du côté gauche, c'est le deuxième but de Camano. Avec cette remise de Pungé, cette remise de Sankaré, et puis le but de Camano, voilà, c'est placé dans des conditions idéales. Donc il y a des choses intéressantes à retenir de ce match. Et puis surtout voilà, c'est trois points qui lancent peut-être aussi un peu la saison de Bordeaux en championnat. Donc c'est positif. Oui, il était temps, ouais, parce que là ça commençait un peu à sentir pas bon si tu perdais ce soir. Ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité de réaction, parce que mine de rien quand même en termes d'émotion, ça fait longtemps moi que je m'étais pas un petit peu régalé comme ça. Alors bon, je dis ça parce que ça a tourné pour nous. Hein. Imagine le but à la 92e, il est pour Monaco, le match ça reste le même. Hein. Il y aura eu tout autant des émotions, des machins, des événements, sauf que c'était contre toi. Ouais. Mais pour le coup, moi j'ai vu des trucs que j'avais pas vu depuis, allez, sans parler de très longtemps, mais juste la fin de saison dernière où on allait chercher justement ces matchs. Ouais, Enzo. Vas-y, mon grand. Moi, pour revenir sur le match, l'homme du match pour moi c'est pas un joueur, ça a été Bedouet. Alors je m'explique, Bedoué, j'ai trouvé ça intéressant. Alors déjà, au niveau, on l'a vu dès le début du match, pendant 20 minutes, l'équipe a pressé, alors ça va être sûrement une consigne de sa part, et on l'a vu au retour de la mi-temps, l'équipe a été transfigurée. Vous voyez, le match, la première mi-temps de l'équipe, si mauvaise que ça. Non, enfin, au contraire, mais ce que je dis, moi je trouve que premières minutes, ils ont fait un pressing énorme, ça a été énorme, et... je trouve le changement qui a fait la différence dans ce match, c'est Depréville. Alors Depréville, on peut critiquer autant qu'on veut sur le il fait une bonne rentrée. Voilà, non, on peut dire autant qu'on veut qu'il a été mauvais au niveau des frappes, tout ça, de la finition. Mais par contre, sur le jeu, je trouve que c'est vraiment un changement tactique qui a été énorme parce qu'on a enlevé Briand, qui était plus un joueur qui calait les ballons, on va dire, pour mettre un mec comme Depréville qui a créé des espaces énormes en faisant beaucoup d'appels. Et ça a été vraiment intéressant, je trouve. Mais en première mi-temps, c'est vrai qu'on fait une première mi-temps sur le pressing intéressant. Mais un bémol à mettre dessus, c'est que sur le pressing, il y avait des joueurs qui faisaient le pressing et on n'était pas assez haut. Derrière, ça suivait pas. Et c'était ça le souci, vu qu'il y a eu les Rager, Tchouaméni et tout ça qui ont fait le pressing. Et derrière, il manquait ce petit truc en plus, le joueur en plus qui puisse récupérer le ballon, mettre encore plus de pression. C'est le problème globalement de ton milieu de terrain. Hein. Quand tu as un joueur Plasil, les Rager et Tchouaméni, pour moi, j'ai déjà expliqué le cas de le Rager vendredi. Je pense que c'est un joueur. Tu peux pas créer du jeu avec ces trois joueurs là. C'est pas possible. Pour moi, c'est plutôt des gratteurs de ballon. Mais après, dans la relance, c'est beaucoup plus compliqué si t'as pas un joueur à côté qui est capable de monter, d'être une rampe de lancement. Mais aujourd'hui, Plasil joue beaucoup trop bas. Les Rager, c'est pas son rôle. Et Tchouaméni, j'ai pas le sentiment que c'est un joueur qui a une qualité de relance exceptionnelle. Donc, après, c'est que mon analyse. Hein. Donc, c'est un peu compliqué de mettre en place ce genre de jeu. En revenant sur les choix de Bédoué, moi personnellement, j'ai eu très peur en début du match quand je voyais que Basic n'était pas titulaire, qu'il avait remis Plasil et le Rager au milieu de terrain. Je me suis dit physiquement, ils vont exploser, ils vont pas tenir. Même s'ils ont fait un très bon match, j'aurais bien aimé voir aussi Basile parce que il a fait une très bonne rentrée contre Strasbourg, mais on lui donne pas sa chance encore. Même il rentre même pas en jeu, c'est dommage. Je pense qu'il y a peut-être un déficit de puissance aussi. Ouais. Ça, tu vois que Palencia, c'est très bon. Après, il a du ballon, ça se voit. Il a une vista, mais il a un déficit de puissance qui est évident. Et je pense que Basile, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais c'est dommage parce que Thomas, il a raison, il avait quand même été plutôt intéressant. On en parlait pendant le match, il avait été intéressant face à Strasbourg, son entrée. On le voit pas à la Gantoise. Parce qu'il peut pas jouer. Parce qu'il peut pas jouer. Donc je me disais, bah, peut-être sur Monaco. On l'a pas vu à Toulouse non plus. Je me dis peut-être sur Monaco, le voir un petit peu plus, ne serait-ce qu'une mi-temps ou une demi-heure, quoi, tu vois. Et bon, on le voit toujours pas. Bon, alors peut-être, comme dit Cyril, il y a un manque physique. Mais c'est peut-être une volonté de ta part. Hein. C'est de dire, contre Monaco, peut-être que tu penses que Monaco aura plus le ballon, etc. Et tu te dis, bah, il faut un milieu solide et on aura des contre-attaques comme on a eu en seconde mi-temps, des contre-attaques. Et tu mets Tchouaméni, parce que Basic, là où je pense qu'il y a à court terme, enfin à moyen terme, ce sera le remplaçant de Sankey. Il a été recruté pour être sentinelle à la place de Plasil. Il fait 1m89. Oui, mais tu peux faire jouer là aussi. Ça veut dire que tu grilles totalement Ottavio. Mais Ottavio, il fait pas partie des plans. À un moment donné, il faut être clair. Je pense qu'Ottavio, s'il a une offre avant la fin du mercato, Ottavio, on l'a vu qu'une fois et c'était contre qui ? Le match retour contre Mario Pol. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Bacic, justement, alors tu parles de ça, moi c'est vraiment sur le déficit physique. Parce qu'au contraire, avec une équipe qui est offensive, il est censé avoir la patte gauche qui va aller chercher le ballon dans le dos de la défense et la capacité justement à jouer long et avoir une relance qui est propre. C'est dans ses qualités qui ont été expliquées. Lors de l'achat. Alors, juste une petite parenthèse, parce que sur le chat, on a Steph qui nous résume un article apparemment qui est sorti sur RMC Sport tout à l'heure, qui nous résume un petit peu cet article, qui nous dit apparemment, donc pour en revenir à Thierry Henry, il y aurait un petit peu de friture sur rien. En gros, Henry voudrait 2 millions de salaires par an, bon alors ça va être compliqué, plus que ce qui lui a été proposé. Il souhaiterait 5 recrues et le comportement de son agent, alors je sais pas qui est l'agent de Thierry Henry, aurait déplu au futur propriétaire américain. C'est Mohamed Bouafsi. De qui, pardon ? C'est le fils de Dane, l'ancien président de Arsenal. C'est son fils. Ah d'accord, ok. Et c'est Mohamed Bouafsi qui a sorti ces petites infos sur RMC Sport. Ouais, Thibaut. Ouais, non, mais. Enfin, après là, je... Sachant qu'il se trompe rarement quand même, l'ami Mohamed Bouafsi. Je suis comme vous là sur les réseaux sociaux. Revenir sur les déclarations de Taverneau et de Martin qui communiquent sans communiquer. On sait très bien pourquoi. On va pas rappeler, mais il y a des dispositions légales qui les empêchent de parler aujourd'hui. Quand ils disent milieu de semaine prochaine, c'est parce que c'est la vérité. Ils peuvent pas parler avant le milieu de la semaine prochaine de toute façon. Sinon, l'affaire se terminera au prud'homme et le club, vu les histoires qu'on a avec les prud'hommes, ça serait quand même dommage. Et ensuite, Henri, c'est bizarre. Ça sort comme ça dans une feuille de chou, le Paris Match. Qui est très, peut-être très compétente pour tout ce qui est Kim Kardashian et Thibaut, de Paris Hilton. Je te propose qu'on écoute le son qui vient du Canal Football Club et des informations que eux auraient donné à l'antenne. Ouais. Vas-y, balance. Une information extrêmement importante qui nous vient de Bordeaux. Thierry Henry ne sera pas le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux. Il a dit non. C'est une information Canal Football Club qui va dans le sens de ce qu'on vous disait en début d'émission sur donc le choix de l'ancien Gunner. Donc Hervé Matou dit bien, c'est une information Canal Football Club. Il dit pas c'est une information Paris Match. Ouais, mais bon, après moi j'ai écouté ce qu'a dit Manu Longjean tout à l'heure. Apparemment c'est une reprise de l'information Paris Match. De ce que dit Hervé Matou en début, mais ce que dit Manu Langeon, c'est que comme il était avec nous, il n'écoutait pas le Canal Football Club et qu'il ne savait pas ce qui s'était dit. Voilà. D'accord. Donc bon, après. Après, à voir, moi je méfie toujours, on ne sait pas, de toute façon personne ne sait, à moins d'être le fils de Nicolas Taverneau ou la sœur cachée de Stéphane Martin, personne ne sait, je suis même sûr que le club pour l'instant ne sait pas. Voilà. Et attend la réponse. Donc je sais pas. Après c'est clair que si on prend dans l'hypothèse où Henry ne vient pas, on n'est pas bien. C'est même pas qu'on n'est pas bien. C'est que déjà GACP s'est flingué le début de son histoire avec Bordeaux. Non mais on va au devant d'une fracture, clairement. Ah mais là, c'est-à-dire que. Après ils sont emmerdés parce qu'ils peuvent pas démentir ni confirmer les informations. Ils ont laissé filtrer le nom d'Henri voilà, sans forcément contrôler aussi tout ce qui pouvait, tout ce que ça pouvait engendrer derrière. Donc effectivement, si Henry ne venait pas et qu'on se retrouve avec un entraîneur alors de seconde catégorie. Mais si tu te retrouves avec Conte, non seulement ils ont pas eu Henry, mais ils ont fait beaucoup mieux que Thierry Henry. À mon en termes juste de football, de, enfin en parlant de compétences et de trucs, si tu prends Conte, je suis désolé, ça a quand même une autre gueule qu'un mec qui a jamais coaché de sa vie. Enfin, je sais pas. Non, mais ça on est d'accord. Mais moi, ça effectivement, si tu passes de Henry à un entraîneur Conte ou un autre hein, oui, qui est expérimenté, qui a joué, enfin qui a entraîné dans les plus grands clubs, etc. Il y aura quand même une déception. Très bien. Mais par contre, si tu passes de Thierry Henry à un entraîneur lambda... À Pascal Duprat, oui, c'est sûr. À Pascal Duprat ou pire... Antonetti... Antonetti a déjà un banc, heureusement pour nous. Ah oui, la Messe. Mais voilà, c'est là où ça risque d'être très compliqué. Mais je suis pas d'accord avec vous. La tension des supporters risque d'être compliquée à gérer. Je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que pour moi, même si c'est Conte, il y aura quand même une déception. Henri, ça fait une semaine qu'il y a eu un buzz, comme il n'y a jamais eu un buzz à Bordeaux depuis. Je crois que j'ai jamais vu un buzz comme ça à Bordeaux. C'est simple. Même sous Blanc, même Zidane, même c'était pas comme ça. Blanc, c'était pas comme ça. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment hallucinant. Et ça a fait un tel buzz. Ouais, que ça ne peut pas être Thierry Henry. Si c'est pas Thierry Henry, pour moi, il va y avoir une fracture qui va être énorme entre les supporters et la direction. Ouais, mais Cyril, est-ce que les gens, alors parce que moi aussi, non, mais dans ce cas-là, t'as qu'à mettre des bémols. Tu es capable, t'as des gens qui sont à la communication à Bordeaux, c'est leur métier, oui. Tu le freines pas, mais c'est ta faute. Est-ce que les donc gens. Du coup, il faut des licenciements. On sait comment sont les gens et l'euphorie des réseaux sociaux, tout ça. Ah ben non, moi, mais je suis désolé, c'était Thibaut ou Manu Longeon, je sais pas. T'as des responsables de la communication, s'ils laissent espérer les gens à ce niveau-là, mais parce que t'as des gens qui ont sûrement pris leur abonnement à cause de ça, t'as sûrement des gens qui vont au stade à cause d'accord, de ça, juste par rapport à Henri. Si tu joues de ça, ça s'appelle comment on appelle ça juridiquement, les infos qui sont sorties. Je suis désolé, moi, si les gens interprètent comme ils veulent interpréter, c'est leur problème. S'ils savent pas lire, c'est leur problème. Tu rigoles, les infos qui sont sorties, c'est Thierry Henry a dit oui au FC Girondins de Bordeaux. Oui. Il a pas et l'info qui est sortie après, c'est Thierry Henry doit s'entretenir avec les Américains pour valider sa venue. C'est pas ça que je te dis. Et bien, si les gens savent pas lire, c'est pas ça que je te dis. C'est que j'ai jamais lu de Taverneau ou Martin ou qui que ce soit au club dire non, ce n'est pas vrai, c'est pas fait. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Non, j'ai envie de le faire là maintenant. Là, mais non, mais ça fait une semaine que c'est parti. Ils n'avaient pas le droit de communiquer. Mais justement, s'ils n'avaient pas le droit de communiquer, ils auraient dû sortir dans la presse en disant je ne sais pas d'où viennent ces infos sur Thierry Henry, dans la mesure où nous ne pouvons entreprendre aucune discussion avec aucun coach tant que le délai légal avec Poyet n'est pas passé. Ils avaient juste à faire ça. C'est là où tu as raison, parce que je me permets de te couper juste deux secondes, parce que c'est une technique qu'ils ont déjà fait, les Girondins, qu'ils ont déjà employé. Souvenez-vous, quand il y a eu, alors je ne sais plus à quelle occasion c'était, il me semble que c'était à l'occasion des deux articles croisés de Sud-Ouest et de l'équipe sur qui tiraient sur Poyet, où ils ont fait un communiqué de presse en disant que, enfin voilà, où ils ont pris la parole pour en gros démentir, ou on va dire... plutôt, enfin si, en l'occurrence c'était démentir, mais ils auraient très bien pu faire un communiqué en disant il y a une procédure en cours, voilà, et si vraiment ils avaient voulu mettre le holà sur et freiner un peu le buzz qui était en train de naître sur le truc, ils auraient très bien pu faire ça. Voilà, ça c'est mon avis. Ils l'ont déjà fait, et bon voilà, après j'irai pas aussi loin dans les propos que Cyril. Je pense, parce que Cyril, mais pour moi, ça va se faire, donc c'est pas une arnaque. Mais si ça se fait pas, ça y ressemblera en tout cas. Non, mais ils ont pas surfé, ils ont pas dit achetez vos places pour jeudi, on va présenter c'est, en oui, voilà, c'est ça. Non, c'est mais ça. C'est quoi le message que t'envoies en disant jeudi, place offerte pour les ultras, pas pour les. Oui, pour ah les... non, ça attends, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Quel message vous envoyez aux gens? Alors, en attendant partout depuis une semaine, partout à la télé, dans tout le. Henri va signer. Tout d'un coup, les places sont plus payantes pour les abonnés. C'est ça, gratuit. C'est le coup de gueule qu'on a passé vendredi. Je suis désolé. 5 euros, pour les, 5 euros pour les non-abonnés partout dans le stade. Place offerte pour ceux qui sont dimanche. Si ça, c'est pas quand même jouer sur l'annonce de Thierry Henry, c'est ça. Moi, franchement, je pense que c'est plutôt venez tous au stade parce que c'est un match important. Alors, et qu'on doit se qualifier en Coupe d'Europe. Alors, ouais, je parce que le match important qui te qualifie en Coupe d'Europe, c'est celui-là. C'est pas ça. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Mais pourquoi tu fais pas avant Henry? Parce que tu savais que tu allais jouer ton match retour à Bordeaux. Tu le savais. savait ça. Et pourtant, c'était avant le truc de Henry. Pourquoi? Pourquoi c'était même pas sans ça? Moi, enfin, tu sais quoi? Je pense réellement qu'ils ont sorti l'artillerie lourde pour remplir le stade parce qu'ils devaient avoir vendu 2000 places. Voilà, c'est ça. C'est je pense que c'est la raison. Après, le problème, et là, je vois Cyril, c'est que quand tu fais de la communication, tu ne peux pas ignorer les rumeurs et ce qui gravite autour de ton club et ce qui se passe. Aujourd'hui, les supporters, on a vécu avec Zidane, hein, avec le 98% fait, tous ces machins, mais c'est même pas aussi fort. Là, on est sur le fait que le club soit vendu et que Henry signe et que ça soit américain et que ça en parle sur les chaînes américaines, etc. Tout le monde se dit, mais c'est mort. JSCP, ils peuvent plus faire retour arrière. C'est plus possible. Qu'est-ce qu'on dit tous? Mais que si jamais ça se fait pas, mais ça veut dire qu'ils ont encore moins les reins solides que M6. Et ça veut surtout dire que c'est pas un regret que ça se passe pas. Et si, mais bah si, oui, mais si. Bah non, si, pas, en fait, ce qu'on dit. Tu dis ça veut dire qu'ils ont les reins moins solides. Donc moi je suis content qu'ils soient pas venus s'ils ont les reins moins solides qu'M6. Ils sont pas venus ? Non, que GACP. Mais non, mais là, il te parle d'Henri qui vient pas. Mais moi je dis si Henri vient pas et que derrière ça, c'est il vient pas pour des raisons au final de d'engagement dans la performance, dans le recrutement, mais ça veut juste dire que GACP ils ont encore moins non, ne me coupe pas, c'est bon, deux secondes. Non, encore moins les reins solides que M6. Ou qu'Henri demandait trop. Et que M6 a pendant des années... Mais oui, mais sauf que l'accord M6-Henri, il existe. Il est là le problème aujourd'hui. Il est là le problème, c'est-à-dire que tes repreneurs n'arrivent pas à convaincre un mec que M6 avait réussi à convaincre. Sauf que M6 s'engage pas sur de l'argent, tu vois ce que je veux dire. M6 s'engage pas sur l'argent, mais tu peux t'engager sur un tas de choses. M6, ils sont obligés de s'engager un minimum dans la mesure où ils savent pas si ça va être fait. Parce qu'en septembre, ça peut être annulé. Et Henri, il le sait, ça. Alors, je vais donc, arrive un moment... Et c'est bon, oui, c'est bon, je vous ai assez entendu sur ce sujet-là et parler de tout. Aujourd'hui, si ça se fait pas, il y aura, et que tu le veuilles ou non, une fracture entre le club et les supporters encore plus forte que celle qui existe aujourd'hui. Elle sera encore plus forte. Et je t'annonce que si jamais Henry ne signe pas ton match contre Gent, tu ne fais pas 18 000 personnes. Non, mais ça, peu importe. À la limite, qu'on soit 3 000, je m'en fous. Quand on se qualifie, ça me dérange pas. Mais c'est pas vrai. Tu t'en fous pas. Tu peux pas tenir ce genre de discours. Tu as besoin de ton stade plein. Tu le dis le premier. Quand je dis et que je commence mon intervention en disant, mais je suis sûr que le club a fait cette com parce qu'ils ont eu 2 000 places vendues, tu me dis, oui, c'est sûrement ça. Ce qui prouve que derrière, il est important que ton stade soit plein. Tu joues ta saison sur ta campagne européenne. Tu joues la fin de ton recrutement sur la campagne européenne. Vous verrez qu'on aura zéro recrute tant qu'on ne sera pas qualifié. Mais donc, en quoi c'est assez improbable, enfin, je comprends pas, le scénario que je vais vous présenter, pour moi, il est d'une limpidité absolue. Je suis désolé. À Thierry Henry, M6 dit à Thierry Henry, ok, nous, on est ok sur le principe. On peut pas s'engager sur le pognon, parce que le pognon, c'est pas nous qui allons le mettre. D'accord? Jusqu'à là, c'est crédible. Henry dit, ok, vois, Taverneau dit avec Henry, le pognon, garçon, va falloir que tu vois avec les Ricains. Henry va voir les Ricains. Les Ricains, soit ne proposait pas assez à Thierry Henry, soit Thierry Henry demandait trop. Ça va, on a le temps, Cyril, t'excites pas. Mais c'est pas merde. Soit Thierry Henry demandait trop, soit les Ricains proposaient pas assez, et ça se fait pas. Et je vois pas en quoi ce scénario est totalement impossible. Et Bordeaux, en quoi Bordeaux est décrédibilisé. Il y a Koubrabra qui est sur le chat et qui en finit sur ça. Moi, je pense que la direction à Bordeaux a laissé filtrer car ils étaient très confiants après leur discussion avec Henry. Le problème, ce sont les Ricains. Ils n'ont pas les garanties à filer à Henry et de Taverneau s'inquiète de ne pas avoir les garanties qu'il attend. La vente va être annulée, je pense. Il est venu au stade pour montrer qu'il est là. Qui est venu au stade? Bref, du coup, on va reparler du match. Non, Henry n'était pas à Bordeaux. Non, de Taverneau. Pas à Bordeaux. Non, par contre, il est vrai, attention, la vente de Taverneau peut du jour au lendemain dire c'est fini. On vend plus. Oui, ah bah si lui ça commence, je pense peut-être aussi à le peut-être à gonfler un petit peu aussi cette histoire de tu reviens, je viens ça. Ben oui, deux secondes. On n'est pas pressé, on a le temps. C'est l'info de la soirée, Cyril. On devait dire zéro mot sur Henri, mais bon. Ouais, mais bon. Excuse-nous, c'est tombé pendant qu'on était au stade. Excuse-nous. Ça fait 45 minutes que je suis là. On a passé 25 minutes sur Henri. Oui, on a parlé du match malheureusement pendant que vous étiez en train de revenir. Donc on va en parler. Ne t'inquiète pas, on va y revenir. Mais ça va. C'est notre auditeur. Et je te rassure. On a encore un autre auditeur au téléphone aussi. Parler de Henri. Les gars, vous êtes à l'antenne. Oui, bon oui, mais ça va. On est pas après. On est d'accord. Il est 9h du soir, on est pas mal. Ouais, moi je vais vous laisser. Ça marche. Juste pour vous dire que juste revenir un peu sur la banderole qui a été déployée par les ultras. Sur. Vous êtes au courant. Oui. Sur Alain de Wessler. Oui. Voilà. Donc bon, j'ai pas forcément d'infos, mais bon, on sait. Enfin, je sais pas. Vous êtes aussi au courant que les relations entre De Vestler et les ultras sont vraiment pas du tout bonnes. Ah, c'est qu'elles sont même plus, elles existent même plus. C'est même pas qu'elles sont pas bonnes, c'est qu'elles existent même plus. Elles n'existent plus. Bon, moi, je vous parle pas du côté ultra parce que je suis pas qualifié pour en parler et je laisse ça à d'autres. Et quand on recevra les ultras, peut-être ils nous accepteront de nous en parler. Mais le message est passé au club et il n'a pas du tout été apprécié. Voilà. Je vous le dis, c'est que en fait c'était sous-jacent, tout le monde s'en doutait, mais c'était pas affirmé haut et fort. Voilà. Et là, ça a été clamé dans le stade. Il y a eu des vestiaires d'émission en sa présence d'ailleurs, puisqu'il était là. Et voilà. Et je peux vous dire que dans le staff girondin, ça a marqué, quoi. Bah, ça va être un problème de plus à régler si, voilà. Suivant ce qui se passe dans les semaines à venir, mais on suivra ça effectivement. Je vous laisse, les gars. Merci Thibaut. Et puis on se voit demain alors. Y a pas de souci, à demain en studio. Allez, à demain, les gars. Ciao, mon grand. On va enchaîner, Marco, avec. Alors, on va avoir au téléphone Ulysse qui souhaitait réagir sur le match, donc on va repartir sur le match. Ouais, il voulait développer sur le match, il a trouvé que défensivement c'était intéressant, que le milieu avait été en difficulté et que l'attaque, surtout Kamano Kalou, avait montré de très bonnes choses sur ce match. Bonsoir Ulysse. Salut Ulysse. Bonsoir messieurs, comment vous allez? Ben ma foi, bien, et toi-même? Ben très bien. Comment très va bien, le télématch? Bon, on n'a jamais vu que l'affaire, bon match, ça. Et puis, bon, Thierry Henry, c'est bien beau, mais il y avait un match cet après-midi. C'est vrai. Donc moi, je vous appelais essentiellement pour ça. Vas-y, dis-nous. Ben, en gros, moi, j'ai analysé un peu ce match en trois points. Le premier point, c'est que la défense, on peut être critique sur notre défense, mais malgré tout, depuis le début de saison, c'est quand même plus ou moins solide. Aujourd'hui, on prend un but juste simplement par une erreur de jeunesse de Jules Koundé. Donc moi, je trouve que cette défense, au final, elle est très intéressante et que en plus de ça, Pounje, Sabali et Palencia sur les ailes, c'est quand même, on est quand même bien fourni, je trouve. Déjà, ça, c'est mon premier point. Ouais, vas-y. Mon second point, c'est que le milieu, bon, comme d'habitude et comme on s'y attendait, bon, on a été très en difficulté, et encore plus à partir du moment où Lehrager est sorti et ne colmatait plus les brèches. À partir de ce moment-là, c'est vraiment à partir de ce moment où justement Monaco a été beaucoup plus incisif, où on les a beaucoup plus vus dans notre surface. Donc voilà sur le milieu. Et sur l'attaque, malgré tout, malgré le fait qu'on n'ait pas d'attaquant de pointe, eh bien on a eu une attaque assez intéressante avec des combinaisons vraiment intéressantes de Kalou et Kamano qui ont pas mal dézonné, qui sont pas mal rentrés dans l'axe et qui ont été très dangereux sur une défense de Monaco qui était plutôt faible. Une réaction, messieurs, sur ce que vient de dire Ulysse, qui veut Enzo, Thomas, Thierry. Ouais, moi Ulysse, moi bonsoir déjà. Je suis pas forcément d'accord sur ce que tu dis au niveau des milieux. Moi, j'ai trouvé étonnamment, on regarde en comparaison avec le match qu'il y a eu avec la Gantoise, on l'a directement vu au niveau du pressing. Je trouve que le milieu, au contraire, il a été intéressant. Il a fait un abattage énorme. On a vu Tchouaméni qui a eu du mal à rentrer dans son match, mais qui est bien rentré. Et on a vu Plasil. Alors Plasil, autant à la fin du match, j'ai pas compris pourquoi encore il a joué 90 minutes. Mais autant j'ai l'impression qu'au début du match, il a été bon. Il a fait quand même du bon pressing. Le Rager aussi a été assez intéressant dans le pressing. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'on a fait un bon match. Contrairement à la Gantoise, où le milieu, au contraire, il était vraiment pas bon. Ben, le problème, c'est que à chaque début de match, à chaque première mi-temps, on a l'impression que ça tient, que le milieu tient. Et bizarrement, en seconde mi-temps, on est toujours, comme le match face à la Gantoise, on tombe toujours, on n'a plus la main sur, on n'a plus le pied sur le ballon, plus ou moins. On voit les attaques adverses beaucoup plus proches de notre surface. Et bizarrement, le point commun de tous ces matchs, c'est Plasil qui effectivement a 36, 37 ans aujourd'hui. Et effectivement, en termes de physique, c'est peut-être beaucoup plus compliqué pour lui. Alors oui, sur la première mi-temps, on a été intéressant, mais c'est pas sur la première mi-temps que le match se joue, malheureusement. Et Ulysse, je pense pas que tu puisses mettre ça que sur la faute à un joueur. Ou moi, je pense plutôt que quand tu commences à reculer, en général, c'est mentalement que tu le fais. Tu acceptes une domination parce que mentalement, t'es pas bien. T'arrives pas à jouer haut. Pour moi, il y a une action qui est symptomatique, c'est que à un moment donné, tu combines dans l'attaque. Il y a un centre qui arrive à Camano, qui fait pas de reprise de volée, qui va chercher, il me semble, Sankaré ou De Préville, ouais, qui va encore décaler, qui va décaler à Kalou, qui fait une passe. Palencia qui fait la passe à Plasil avance pas et on se fait prendre en compte. Donc en fait, c'est vraiment de la confiance en fait. Pour moi, c'est là que ça se joue. C'est pas forcément sur une envie de presser ou quoi que ce soit. C'est vraiment que mentalement, on est peut-être pas encore au top. Ouais, il y a aussi de ça. Est-ce que je sais pas. Je me dis que quand même, c'est bizarre de plonger. Littéralement, en tout cas moi c'est ce que dès que t'as marqué t'as reculé. Dès que t'as marqué en gros ouais c'est ça, t'as reculé. Et même je dirais que même à partir du moment où on prend ce but un peu bête, là on n'est plus dedans, c'est vrai. C'est symptomatique de ton équipe, c'est comme ça depuis des années. C'est notre effectif est pas forcément le plus stable mentalement. Il y a pas forcément de joueurs d'expérience qui ressortent, même si Plasil en est un, mais il est quand même à un moment donné pour pouvoir parler, pour pouvoir prêcher la bonne parole, il faut quand même que tu sois exemplaire sur le terrain. Alors à certains moments il l'est, mais à d'autres moments on peut peut-être lui reprocher mais notamment le manque de vitesse, le manque de dynamisme et d'explosivité qui n'a plus quoi. Et si ce mental il n'était pas justement si ce mental on pouvait pas le compenser par du physique justement avec trois joueurs qui donneraient des garanties de jouer 90 minutes. Aujourd'hui Plasil, on a tous l'impression qu'il n'est pas capable justement de tenir sur ces 90 minutes. Est-ce que éventuellement ce serait pas une piste de voir Plasil sortir par exemple à la 60e minute pour laisser place à du sang frais et avoir vraiment trois bagarreurs au milieu qui eux seraient frais physiquement plus ou moins et feraient plus d'efforts défensivement. Après Ulysse, il faut pas perdre de vue aussi le contexte, c'est-à-dire que l'entraîneur que tu as actuellement ne sera sûrement pas l'entraîneur qui sera là, alors peut-être pas jeudi mais très probablement le week-end prochain, peu importe qui il soit, que ce soit Henri ou un autre, mais ça sera plus Monsieur Bédoué. Donc peut-être que le nouvel entraîneur qui va arriver verra les choses différemment. Moi, je pense comme toi. Je pense que Plasil, maintenant, si tu veux faire une saison avec Jaroslav Plasil, c'est pas à jouer le pauvre une heure et demie, cinq ou six matchs d'affilée. Enfin, c'est sûr que tu vas le tuer. Hein, ça servira strictement à rien. Mais je me dis que dans le contexte actuel, pour Bédoué, c'est peut-être un de ces hommes, ce qu'on pourrait appeler, tu sais, le gars sûr, quoi, tu vois. Il se dit, je le tente, il me reste 2-3 matchs à faire, je mets mon gars sûr et je sais qu'avec lui, je vais être à peu près sûr que ça devrait pas trop mal se passer. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que quand on a un nouveau coach qui va arriver, oui, t'auras peut-être ce que t'aimerais voir, ce système où Plasil joue soit à la dernière demi-heure, soit à la première heure, mais fait pas toute l'intégralité, Thomas. Ouais, tout à fait. Après, le problème, c'est que Plasil, ça fait plusieurs saisons que c'est un homme de confiance, que c'est un homme qui doit encadrer les jeunes. C'est ce qu'on nous a plus ou moins laissé entendre à chacune de ses prolongations. Et au final, Plasil, il se retrouve à jouer un nombre de minutes et un nombre de matchs mais incroyable. Je suis même pas persuadé qu'il s'attendait à jouer autant de matchs, justement. Je pense que mettre Plasil en début de match aussi, c'est surtout pour avoir quelqu'un d'expérience à peu près à chaque ligne. En attaque, on voit qu'on a Jimmy Briand. Au milieu de terrain, du coup, il a mis Jaroslav Plasil parce qu'avec Tchouaméni qui est très jeune. Et Loraguer qui est pas bien vieux non plus. Et d'ailleurs, on a Pablo. Avec Costil aussi qui a de l'expérience. Je pense que c'est plutôt pour ça. Et c'est peut-être pour ça que Basic n'était pas joué du coup. C'est là où on a été défaillant d'ailleurs à Toulouse. C'est ton axe central. Hein. C'est là où tu prends l'eau. Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est que à chaque fois, à chaque match, à chaque match, les conclusions sont plus ou moins les mêmes, en fait. À chaque match, on a l'impression que justement, on n'a pas de milieu défensif, sur le pressing, on a un peu de mal, on a un peu de mal à tenir toutes les minutes. Après, c'est vrai que c'est le début de saison, bien sûr. Mais le problème et le bilan, à chaque match, il est le même. Donc c'est un peu embêtant, et effectivement, avec cette situation de flou autour du club, autour du coach, c'est sûr que c'est pas évident et que M. Bédoué fait du mieux possible. Mais bon, on est plusieurs à avoir ce problème. C'est embêtant quand même. Moi, ce que je trouve par contre marrant depuis que je suis arrivé, alors je sais pas comment c'était avant, hein. Mais moi au stade j'ai vécu le match et franchement j'étais enthousiasmé. Les gens qu'on a interviewés avec Enzo à bord du match, ils étaient tous heureux et enthousiastes. Les deux premiers qu'on a eu à l'antenne, c'était deux frères, donc un supporter de Bordeaux, un supporter de Monaco. D'accord, ok. Donc voilà, mais franchement, moi j'ai vu une fin de match. Franchement, je crois que depuis l'Étoile Rouge de Belgrade, j'ai pas vu un stade comme ça. Pour que toi tu dises ça, oui, c'est que ça. Non, mais c'est vraiment, moi j'ai vu une belle ambiance et de la joie des supporters. Et honnêtement, ça fait plaisir. Et moi, sur ce match-là, je retiens quasiment que du positif. Mmh. Il y a la bourde de Koundé, mais qui est compensée derrière. C'est vraiment le seul point que je trouve à redire sur ce match-là. J'ai trouvé vraiment de l'envie, de l'impact. Pour un début de saison, parce qu'on a quand même enchaîné, ça fait quand même 3 semaines où on joue 2 matchs par semaine. On est à notre 6e, quasiment. Je sais pas si vous imaginez, 8. C'est quand même la 4e ou 5e semaine où on joue 3 matchs par semaine, donc. Et alors que les gens n'en jouent qu'un. Moi, je trouve que franchement, sur ce match-là, on a du mérite. Avant de passer à la suite, parce qu'on a quand même 2 autres auditeurs derrière, le seul point, alors vous étiez pas là, Enzo et Cyril, c'est pour ça que je vais en parler avec vous. Le seul point, moi, mais c'est pas sur ce match-là, c'est, je pense, on va le traîner toute la saison, c'est sur le coup franc. Je suis désolé. Parent Lapin, un gars qui s'est tapé un coup franc. Je parle de coup franc direct. On a eu 3 coups francs à 20-25 mètres direct qui étaient de réelles, vraiment, opportunités. Le Malcolm, tu savais que l'an dernier, t'avais un coup franc à 20-25 mètres. Tu savais pas que ça allait dedans, mais tu savais qu'il y avait une probabilité pour que ça arrive là, franchement. À moins qu'il y en ait un qui se réveille, et peut-être Bazic, parce qu'on dit que Bazic a un bon pied gauche. Mais franchement, sur les coups francs directs, c'est dommage, parce que c'est une arme, je pense, qui va nous manquer cette saison. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu, c'est pas transcendant. Mais c'est ça, j'en ai parlé au stade. En fait, quand j'essaie de reprendre ma respiration entre les champs, parce que je vous avoue qu'à la fin, quand j'ai croisé Cyril, j'étais tout transpirant, j'étais en transe et j'arrivais pas à réagir. Ah, tu suais, mon cerveau. Ah ouais, et j'avais une espèce de voix qui était bien cassée, mais ça va, c'est revenu. Mais c'est clair que Kalou, alors autant Kalou, sur les centres qu'on a vus, pas direct, mais sur des coups francs centrés, il a été hyper intéressant. Après, dès que c'était frappé au but, c'était scandaleux. Déjà, pour te dire que le deuxième tireur, c'est Camalon. Non. Le deuxième tireur, c'est Plasie, pied gauche. Ouais. Du pied gauche. Alors, ok, il a un bon petit pied gauche. Non, mais c'est pas un tireur de coup franc. Faut arrêter. Déjà, avec du pied droit, il va pas te mettre une lucarne. Alors, du pied gauche, encore moins. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter avec ça. Faut que quelqu'un sache les tirer. Il va falloir qu'il y en ait un qui se dévoue à taper 200 coups francs par jour à l'entraînement pour que ça aille, pour y arriver. C'est comme les corners, tu vois, à la fin où ça va, Kalou a réussi à un peu remettre la ligne de mire, mais tu regardes au début tous ces corners, ils allaient au deuxième poteau, c'était triste. Moi j'espère, alors après il y a encore un mercato qui est pas fini, mais ou peut-être un joueur qui va se révéler dans ce domaine, j'en sais rien, mais oui. Moi j'ai juste un joueur qui m'a fait plaisir, mais enfin surtout sur la première mi-temps, je sais pas ce que oui. T'en penses toi, c'est Ulysse. C'est ouais. Maxime Pounjé. Alors Maxime Pounjé sur la première mi-temps. Alors en plus je suis virage en bas à gauche. Et Maxime Pounjé, alors en plus c'était face à Grand-Cyr qui est vraiment le dynamiteur offensif de Monaco depuis le début de saison. Mm-hmm. Il a été un Grand-Cyr, on l'a pas vu. On l'a vu avec Camano, il a quand même bien joué. En plus il y avait Tchouaméni qui jouait de ce côté, En fin de match quand même qui était usé physiquement. Ouais, c'est à la fin oui, parce que surtout que c'est quand même des fusées quoi sur les côtés. Donc bon, normal, mais quand on voit que soit Balot Touré ou Grand-Cyr, ils ont eu vraiment du mal face à Pounjé qui a été plutôt bon. Et Amboula après. Après ça va être compliqué aussi pour moi, je crois que c'était l'un des moins bons Pounjé ce match-là. Je suis désolé, j'ai pas. Défensivement, j'ai trouvé souvent à la limite, pas loin de la rupture. Et offensivement, que les actions n'étaient pas poussées. Alors, est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il a géré son match? Mais plusieurs fois, il a débordé. Et au lieu d'aller, tu sais, te coller limite à la ligne de touche, enfin, à la ligne de 6 mètres pour faire un centre en retrait, on sait que c'est l'une des situations les plus dangereuses en football. Il a eu plusieurs fois cette situation-là. Oui, mais... Et au lieu de repiquer dans l'axe, d'aller chercher le centre en retrait, il a fait des centres. Il était même pas au niveau de la surface. Il était avant des centres tout moisis qu'il y avait dans les gardiens. Je l'ai pas trouvé intéressant. Il y a quand même un problème, t'inquiète, après Ulysse, tu vas pouvoir nous dire ce que tu as pensé de Max Pounjé, mais il y a quand même un problème, je pense qu'il va très vite arriver sur le poste de Max Pounjé. Cyril disait tout à l'heure, on a joué quasiment 3 matchs par semaine depuis fin juillet, à moins que je dise une bêtise, peut-être sur un match, mais je crois que Maxime Pounjé. Le premier match de Ligue 1, il est suspendu. Voilà, il est suspendu, donc c'est-à-dire que sur les 8 matchs, il en a déjà joué 7, ça doit être un de ceux qui a le plus joué avec Costil et Koundé. Il va falloir aussi sérieusement se poser la question de qui va être doublure de Maxime Pounjé ou qui va être titulaire à la place de. Parce que le pauvre Max Pounjé, il va pas pouvoir faire 75 matchs dans la saison, quoi. En fait 75. Surtout pour revenir après ce que disait Marc, il faisait pas des centres, ok, il débordait pas souvent, mais tu le vois à chaque fois, il est derrière Camano, il est tout le temps en train d'essayer de déborder, mais Camano repique tout le temps dans l'axe. Donc en fait, il libère les espaces, hein. Pounjé, c'est une flèche quand même. Il est tout le temps là dans les espaces, mais en fait, Camano, vu qu'il repique tout le temps dans l'axe, il regarde jamais sur sa gauche, et du coup, Pounjé, il fait des appels pour rien. Donc, au bout d'un moment, je comprends aussi que il se lasse, quoi. Au bout d'un moment, tu montes une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, c'est bon. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Ulysse, du match Pounjé. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un match plutôt cohérent. Après, c'est vrai que, c'est Maxime Pounjé, on connaît plus ou moins son niveau, mais moi, je trouve que depuis le début de saison, il est assez régulier dans ses performances, et que, c'est pas une déception, mais c'est pas non plus le grand latéral gauche. Après, il fait tout le temps ses matchs, il a le mérite de faire tout le temps ses matchs, d'être assez généreux, je trouve, moi, dans les efforts. Il apporte toujours une solution offensive, il combine souvent avec Camano, et le problème, c'est qu'effectivement, Camano repique souvent dans l'axe avec l'idée de frapper. Et quand il peut pas frapper, bien sûr, il adresse un centre qui est plus ou moins forcé, donc une passe assez forcée. On sait pas où elle va terminer. Mais voilà, moi je trouve que Pounjé justement fait un début de saison cohérent comparé à son niveau des dernières saisons et des matchs de l'an dernier. Je trouve justement que au final il apporte certaines garanties et alors la saison va être longue, mais on a quand même 3 latéraux qui sont assez corrects avec Palencia, Pounjé et Sabali. C'est vrai que l'idéal aurait été 4. Gagic, on sait pas où il en est, mais ça reste quand même cohérent pour de la Ligue 1, je trouve. Oui, pour de la Ligue 1. Après, à voir ce que ça donnera sur le plan. Thomas, je crois que tu voulais, avant qu'on t'interrompe sur ce grand 8, t'étais lancé dans un an. Non, mais après, en revenant, par rapport, c'est que la Ligue 1, mais bon, on voit quand même que la Ligue 1, c'est plutôt un championnat qui est plutôt intéressant. Tout le monde peut battre tout le monde, en fait. Quand on voit que Dijon hier en met 4 à Nice. Ouais, en fait, tout le monde peut pas battre Paris. Oui, oui, bon, à part Paris, hormis Paris. Mais la Ligue 1, elle a rien à envier. Ah ouais, quand tu vois Lille qui était moitié crevé l'an dernier, là, ils sont sur un bon début de saison. Je suis vachement optimiste quand même, parce que moi, je pense que tu prends le 20e de Ligue 1 et le 20e de Ligue 1, tu fais match comme ça, match par match, et je suis persuadé que t'as une majorité de Ligue 1. Alors, rapidement, quand même, un petit point, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Bordeaux, donc, n'est plus dernier de Ligue 1, Bordeaux est 15e avec 3 points, le dernier, c'est Guingamp avec 3 défaites en 3 matchs, et Angers avec 3 défaites également, en 3 match, et ça commence à puer un petit peu pour Nice. Il a un tout petit point. Ça se trouve, notre prochain coach, c'est Patrick Vieira. Hein. Ah ouais, t'imagines. Le mec se fait dégager de Nice. On voulait un joueur du 98. Ah, t'imagines la loose, le mec se fait virer de Nice et t'as Vieira qui arrive. Nantes aussi, c'est un petit peu dans le dur, et Bordeaux donc se retrouve 15e avec 3 points. Voilà, alors on n'est pas si. Voilà, c'est qui notre prochain? Je sais même pas qui est notre prochain adversaire en Ligue 1. On va à Rennes. Rennes qui joue, tiens d'ailleurs, à l'instant, le coup d'envoi pas tarder à être donné, qui joue au Vélodrome. Début de saison. Face à Marseille, Rennes qui est. Donc Rennes va prendre 3-0. C'est costaud, Cyril, ça a 3 points comme toi. Hein. Oui, non, mais ça joue avec 2 matchs. Donc, ce soir. Et il y a Jules qui est d'accord avec toi, Ulysse, et voilà, qui nous met ça. Et puis il y a Machonneur qui met que que Sabali, il voit plutôt Sabali à gauche et Palencia à droite. Alors Sabali à gauche, je sais plus qui nous en avait parlé en début de saison, en tout début de saison. Il a joué la Coupe du Monde avec le Sénégal à gauche. C'était l'idée, dans l'idée de Poyet, c'était de mettre Sabali à gauche. Après, maintenant Poyet n'étant plus là, Poyet n'est pas encore viré. Hein. Oui, non, mais c'est bon. Poyet n'étant plus là, après l'autre... de toute façon, il y aura un turnover, donc. Oui, non, non, mais un turnover, moi, je veux bien, Tom, mais actuellement. T'as que deux joueurs vraiment. Le problème, c'est que t'as arrière gauche, c'est Pungé et Pelnar. T'as trois profils de titulaires. On peut le dire maintenant. Palencia, quand on voit ses parties, tu peux te dire que c'est quand même quelqu'un. Si physiquement il tient le rythme, ça aussi c'est une interrogation. Si il tient le rythme, est-ce qu'il est capable de jouer 30 matchs ou 35 matchs dans l'année? Alors qu'il en a joué quasiment aucun, je crois, de sa carrière. Ça, techniquement, il a le potentiel pour être titulaire en Ligue 1. Pungé, on le sait là, et Sabali est un international. Donc, tu as quand même trois profils de titulaire. Ce qui vient, c'est que Sabali peut dépanner à droite ou à gauche. Voilà. Mais il faut la Coupe d'Europe. C'est ça. C'est un problème qu'on avait l'an dernier avec des joueurs qu'on voyait potentiellement titulaires. Il nous faut la Coupe d'Europe et le match le plus important cette semaine, c'est jeudi. Évidemment. Ça sera jeudi. Ulysse, avant de terminer, une dernière chose à laquelle on n'aurait pas pensé, sur laquelle tu veux dire un mot, je sais pas, un truc qui t'a plu, donc, qui t'a déplu, même côté monégasque, un joueur, n'importe quoi. Côté monégasque, défensivement, j'étais très surpris. Défensivement, c'est quand même assez faible. Hein. Almani, Touré et Barreca sur les côtés, c'était quand même assez faible. Alors, Radji n'était pas là, mais bon, est-ce que ça aurait vraiment changé grand-chose? Et pas Sidibé. Ouais, pas de Sidibé, effectivement. Ça va être certainement compliqué pour eux de garder leur seconde place. Et sinon, pour parler de nous, le coach, c'est bien, effectivement, mais ce qui va être vraiment important dans cette semaine, c'est le match jeudi quand même. C'est le match le plus important de la saison, du début de saison. Quel que soit le coach qu'on aura, faut que tous les amoureux des Girondins soient au stade et faut qu'on se concentre, faut que tout soit focalisé sur ce match-là, vraiment. Eh ben écoute Ulysse, on suivra ça jeudi soir 20h45 au stade et puis ben on espère que Bordeaux arrivera au moins, parce que là pour le coup il n'y a pas de match nul possible. Si on veut se qualifier il faut gagner, au vu du résultat du match aller. Donc on espère la victoire et on espère surtout pouvoir poursuivre l'aventure en Coupe d'Europe la saison prochaine. Merci beaucoup Ulysse d'avoir réagi en direct avec nous dans cet après-match. Et puis ben écoute, t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux dans l'émission, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Salut, ciao Ulysse. On va pouvoir conclure sur deux articles de presse, si vous me le permettez. Parfait, 9h. Okay. Le premier concerne un article de RMC Sport sur Henri Bordeaux. Henri, donc voilà, veut 2 millions par an, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Les prétentions réclamées par le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France se montrent bien loin de ce que peuvent lui offrir les Américains. Il parle du fait que les Américains n'ont pas attendu pour actionner un plan B. On parle de Claudio Ranieri et de Antonio Conte. Donc ça, ben on verra, sachant que Manu Longeon nous a dit à l'antenne tout à l'heure que ça ne serait pas Claudio Ranieri selon lui. Pour Nico Aterno, tout est ouvert. Il n'y aura pas de décision avant la semaine prochaine, donc plutôt le milieu prochain. On timbrait sur plutôt du mercredi. Pour l'instant, il travaille toujours sur l'arrivée de Thierry Henry, et les discussions entre Henry et Dagrossa, le patron de GSCP, ne seraient pas terminées, puisque le patron de GSCP rencontre l'agent de Thierry Henry ce dimanche soir à Londres. Ça, c'est pour les infos côté RMC. Et pour compléter ce paragraphe, c'est sur goal.com que vous pouvez retrouver ça. Vous avez plusieurs... Vous avez notre ami, c'est le qui Adrien Mathieu. Mais c'est bien Adrien Mathieu. Je les mélange tous. C'est bien Adrien Mathieu qui a recueilli ces propos-là au Matmut Atlantique. Tout simplement, c'est pas compliqué. À la question si Thierry Henry n'a pas dit non, il n'y a pas eu de commentaire de la part de Nico Aterno. Donc, c'est ce qu'on dit depuis l'émission, ce qu'on nous rapporte. Pour l'instant, Bordeaux tape en touche en répondant « on travaille, on étudie toutes les solutions possibles, etc. » Et il rappelle qu'ils sont encore co-responsables, qu'ils sont encore responsables du club et que c'est une période difficile et longue car ils attendent, un vote. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Oui. On aura l'auditeur après que je vais faire patienter dans quelques instants. L'échéance, à savoir, serait mercredi. Pour Nico Aterno, il n'y a pas d'échéance. Le match très important est jeudi en Coupe d'Europe contre la Gantoise. Et on place ses confiances dans Eric Bédoué. Et il termine sur la question, avez-vous des doutes concernant les investisseurs? Nico Aterno dit, je n'en ai pas. Tant que ce n'est pas fait, c'est comme dans le football, avec un but à 93e minute. Donc tant que les 93 minutes ne sont pas passées, eh bien les choses ne sont pas faites. Je vous laisse conclure. Et puis, y a un truc auquel on en avait parlé dans l'avant-match et on n'en a pas parlé ce soir. Je pense que le match de ce soir a démontré, s'il le fallait, que visiblement les joueurs n'ont pas l'air impactés par ce qui se passe. J'ai pas vu moi une équipe sur le terrain qui doutait, qui était fébrile, qui, tu vois ce que je veux dire? Mais différents... J'ai pas vu des mecs douter. Est-ce que ça te rend fébrile la rumeur Henry? Moi j'ai plus tendance à te dire que ça te galvanise. Non, mais l'inverse Cyril. L'incertitude de pas savoir est-ce que vraiment il va y avoir un repreneur. La rumeur Henry telle qu'elle est portée, c'est quelque chose de bénéfique et donc du coup ça te galvanise, ça te porte. Et moi c'est plutôt ce que j'ai vu. J'ai vu des joueurs qui étaient plutôt dans la tentative plutôt que dans le doute. Moi j'ai plus l'impression au contraire que cette rumeur galvanise les joueurs et que attention si on le fait pas. Par contre, on va continuer. Voilà, ouais, on va finir surtout l'émission avec Valentin qui voulait réagir sur. Salut Valentin. Sur Thierry Henry, on clôturera là-dessus. On va en parler beaucoup demain soir avec l'avant-match d'Europa League. Je pense qu'on fera quand même un petit mot sur Afroy, sur le match de Monaco. Oui. Bonsoir Valentin. Salut tout le monde. Bonsoir Valentin. Je voulais parler moi de l'histoire de Thierry Henry. En fait, depuis tout à l'heure, je vous entends à l'émission et on parle. Apparemment, il ne pourrait pas signer. Parce que les Américains n'arrivent pas à avoir les exigences qu'ils demandent. Donc entre autres, je pense que ça parle du salaire, des 5 recrues. Sauf qu'à un moment donné, j'entends que les plans B et C, ce serait Kanté et Ranieri. Et ça me fait juste gentiment sourire parce que... Pour moi, il faut savoir que Ranieri... Ranieri prenait 400 000 par mois à Nantes quand même. Mmh. Quand on fait la conversion, c'est un peu plus que 2 millions. Comment on va arriver à sortir... Après, ils savent dans quel club ils viennent. Excuse-moi, c'est Valentin ton prénom? Ouais, c'est ça, ouais. Ils savent qu'ils viennent pas à Chelsea ou à Valence ou à la Juve. Ouais, mais attends, le FC Nantes, t'es en train de dire que le FC Nantes, Ranieri prenait 400 000 par mois et tu vas me dire qu'à Bordeaux, il va prendre moins parce qu'on est... Enfin, tu vois. Après, est-ce que c'est pas 2 millions net qui veut Thierry Henry? Après, c'est de la supposition, mais... Ouais, c'est juste de la supposition, mais en fait, tu es en train de me dire, est-ce que les Américains ont vraiment de l'ambition ou... Ça se passe comment à l'heure actuelle? Le truc, c'est qu'on ne sait pas sur les Américains. Il y a beaucoup de suppositions. Et comme je disais tout à l'heure à Manu Longeon, il y a tout qui est dit et son contraire. Et qu'on n'est jamais... Ils ne se sont jamais exprimés. Ils soufflent le chaud et le froid. Et ils veulent racheter le stade. Ils veulent plus racheter le stade. Ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Ils veulent tel joueur, ils veulent plus tel joueur. Ils sont pas capables de payer. Il y a quand même pas mal de d'incertitudes sur les Américains et vivement qu'on soit au courant et qu'on soit fixé. C'est le flou total. C'est ça parce que là j'ai l'impression en fait que c'est que du blabla, c'est des on dit, c'est des spéculations pour pas, ça fait fantasmer les supporters, moi le premier. Hein. Je me dis on a Thierry Henry en tant qu'entraîneur. Ça te fait augmenter les abonnements, ça te fait augmenter. Enfin, les joueurs viennent dans le club parce que t'as un mec comme Thierry Henry qui gouverne tout ça. Une pensée pour les deux personnes du virage chute qui avaient Thierry Henry derrière leur maillot quand même. Sur un maillot de Bordeaux déjà? Parce que j'en ai vu un sur un maillot d'Arsenal, bon à la limite. Logique. Logique. De venir voir les Girondins avec un maillot d'Arsenal ou de Chelsea ou du Real, non, pas logique. Mais oui, bon, pourquoi mais bon, pas? Allez, d'abord, Henry sur un maillot d'Arsenal, c'est plutôt logique. Sérieux, il y a des mecs qui ont fait ça sur un maillot de Bordeaux. Mais ouais. Putain, les gars, ils ont fait pareil à Marseille avec Balotelli. Oui, voilà, ouais, oui. La gueule des Marseillais. On s'est foutu de la tronche des Marseillais il n'y a pas deux mois, donc ne nous manquons pas trop non plus. Mais oui. Qu'est-ce qu'on disait, pardon, Valentin, je sais plus. Mais sur le fait qu'en fait, si tu veux, si t'es un mec comme Thierry Henry, qui est quand même un aura dans le football énorme, t'attires forcément des joueurs qui se disent bon putain salut le chef, on y va. Ou les abonnements, forcément, t'as un mec comme ça sur le banc, je pense qu'au niveau du stade, le stade sera beaucoup plus rempli, au niveau des affluences, c'est que des suppositions, hein, mais. Mais pour moi, à un moment donné, il faut aller, si on veut de l'ambition, il faut aller chercher un grand monde du football, que ce soit un grand entraîneur et qu'on repasse sur des bases sereines. Et tout simplement quoi. Et en fait, d'entendre ça aujourd'hui, je prends une espèce de douche émotionnelle. Je me dis, on s'est vu trop grand, depuis une semaine, on nous fait marronner, on nous dit ouais, c'est bon, c'est bon. Et là, au dernier moment, voilà. Mais là, moi, j'y crois pas. Honnêtement, je crois pas que cette histoire de faux, ça peut pas. Pour moi, c'est pas envisageable. C'est obligatoirement Henry. Et t'as forcément, à un moment donné, j'ai une rumeur, dès que tu ne peux pas le faire rapidement, t'as forcément un moment donné où ça retombe. Où t'as forcément si c'est aussi long, c'est que c'est non. Sauf que, juridiquement, on peut pas le faire plus rapidement. Je peux pas penser qu'on ne fera pas Henry. Et d'ailleurs, les plans B, si c'est Ranieri ou Conte, comme tu dis, c'est plus cher que Henry. Donc c'est pas crédible. À un moment donné, l'excuse des Américains ne peuvent pas faire Henry parce que c'est l'argent, celle-là, elle n'est pas crédible. Puis, j'ai du mal à croire que Conte ou Ranieri viendraient sans les mêmes exigences. Ce sera pire en termes de mercato. Non, mais moi, ce que j'ai très peur, c'est qu'on nous parle de Conte et de Ranieri, mais que derrière, on se retrouve ni avec l'un ni avec l'autre, mais avec un Poyet bis. Conte partiro, non. Mais avec. Wow, pas mal. Non, c'est bien. Avec son adjoint. Qu'on se retrouve avec quelqu'un du même calibre que Poyet. J'ai rien contre Poyet. Il est au CFC, il va arriver tout en dessous. Pas du même calibre. Je sais pas où c'est la connerie que j'ai lue tout à l'heure, la stand. Non, mais le problème, c'est que c'est pas crédible. En fait, c'est pas Henry. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire un mec qui veut débuter en tant que coach et qui viendrait avec juste des exigences logique pour quelqu'un qui veut jouer le haut tableau, tu vas pas prendre non plus un autre coach qui veut jouer le haut tableau. J'y crois pas. Surtout que les 5 joueurs, mais c'était pas du tout ce qu'on avait entendu, parce que quand on a eu. Ouais, c'était plutôt deux. Et même des garanties pour le mercato d'hiver aussi. C'est pas 5 recrues sur toute l'année, par contre. C'est pas 2 pour cet été et 3 pour cet hiver. Voilà, Nicolas Paolorsi qu'on a eu vendredi, donc dont vous pouvez écouter le podcast qui est en ligne. Lui, il nous parle de 2 recrues, un créateur et un neuf. Le neuf, c'était déjà prévu qu'on le fasse. Les exigences d'Henri pour ce mercato-là, c'est-à-dire jusqu'au 31, c'était de faire un créateur. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose d'insurmontable et d'irréalisable. Si les Américains veulent faire Henri, c'est tout à fait possible. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Et dans ce cas-là, il y a une vraie fracture avec les supporters. Thomas, parce que les supporters veulent Henri. Après, j'ai vu que Bordeaux voudrait officialiser l'arrivée du coach jeudi prochain pour le match de la Gantoise. Sauf que moi, j'ai du mal à voir ça, parce que sans coach, pour l'instant, on n'a pas de joueurs, pas de nouvelles recrues en tant qu'attaquant ou d'un milieu créateur, si possible. Et il restera plus qu'un jour pour acheter Paolorsi vendredi qui disait que Henry travaillait déjà sur les dossiers. Ouais, mais un jour c'est court pour faire tout signer. Après les enfants, dites-vous bien une chose, hein, c'est que vienne Thierry Henry ou que ne vienne pas Thierry Henry et que ce soit n'importe qui, Conte, Ranieri, un autre, je m'en fous. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne saura jamais. C'est ça, on ne saura pas. Vraiment. Le pourquoi, le vrai pourquoi du comment. On aura toujours une info à droite à gauche, un machin qui dit ça, l'autre qui dit, comme Poyet avec Bordeaux, c'est pareil. On a entendu des trucs, mais je pense que le vrai fond du truc, on le saura jamais. Donc après, c'est de la com, je pense qu'honnêtement, je vais pas tomber à bras raccourcis parce que ça serait trop facile que ça soit et sur le club, et sur Henry, et sur les Américains, parce que honnêtement, franchement, moi, je suis content, moi, de me lever demain matin à 6h pour aller travailler. Je me mets à la place du mec demain matin, des mecs qui gèrent tout ce dossier-là, qui vont se lever demain matin. Il doit y avoir des espèces de maux de crâne, que ça soit Wayan, chez Thierry Henry, chez l'agent d'Henry, chez Grimandi, chez qui vous, tous les noms qui ont été cités. Ça doit être un barnum chez les Ricains, chez Taverneau, chez Martin. Franchement, on peut trouver ça des fois, mais faut pas non plus être trop. Oui, effectivement. En termes de com, il y a eu des maladresses, il y a eu des erreurs, c'est vrai. En termes de machin, des annonces peut-être. Mais honnêtement, franchement, vu le merdier que c'est, vu la complexité du truc, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire moins bien? Est-ce qu'on peut faire plus? Je sais pas, mais franchement, c'est un truc, ça doit être, mais d'une ingérabilité totale. Tout ce dossier-là, tout ce truc, si encore il y avait, c'est même pas que t'as juste un problème de coach, c'est en plus t'as la reprise qui vient se greffer à ça. Tu dois virer l'autre coach encore? À la base, t'es pas censé avoir de problème de coach, hein. Jusqu'à il y a 2 semaines, t'avais pas de problème de coach et t'étais pas censé en avoir. T'avais juste à gérer la reprise du club. Et là il t'arrive ça. Il t'arrive ça à 10 jours de la fin du mercato, ça doit être un boxon. Mais alors, un truc phénoménal. Oui, excuse-moi Valentin. Non, pas de soucis, mais quand tu dis que tu dois pas avoir un problème de coach, tu penses pas que ça, il pouvait pas le prévoir, parce qu'à un moment donné, je pense que Poyet n'a pas pété les plombs du jour au lendemain. Je pense que ça fait un moment où il est en train de dire aux dirigeants, les gars, les infos qu'on a eues là-dessus, justement, c'est que Bordeaux voulait s'en séparer avant, mais les Américains, non. Voilà. Donc c'était peut-être fausses ces infos, attention, c'est des rumeurs. Mais voilà les rumeurs qu'on avait eues. Il y avait des touches, c'était pas prévu, mais c'était envisagé. Il y a Machonneur sur le chat qui nous dit le salaire de Conte à Chelsea, 9,5 millions. Et ben j'ai envie de dire, et alors ? Et alors ? Et alors ? D'où ça nous fait peur ? Il n'aura pas d'attaquant. Parce que le prix est Valentin. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais est-ce que tu crois qu'un mec comme Conte qui sort avec Chelsea veut se dire, ben vas-y, je vais au Girondins de Bordeaux, vu le bordel que c'est, je vais mettre de l'or. Est-ce que tu crois que le mec, avec l'aura qu'il a, il va prendre le risque de faire ça? Ben ça peut être. Après, il y a des gens qui aiment les challenges, ça peut être un challenge de prendre un club milieu de Ligue 1 pour l'instant, on va dire, qui est censé être dans les premières places, et de le ramener au haut niveau si le mec a. Parce que on va pas se mentir, hein. Conte, tu veux qu'il rebondisse où? Tous les gros clubs, ils sont pris. Bah, quel gros club a besoin quel gros club a besoin d'un top coach à sa tête? Si t'es moins en rien en Europe, y en a pas. Si, peut-être United. T'attends voilà, un peu t'attends United. Allez, United t'as des mais peut-être que Conte il a pas envie d'aller à United. Non, mais United c'est pour Zidane. Cherchez pas. Et accessoirement il y a Zizou et il y a peut-être même Laurent Blanc aussi, ancien de la maison, qui peut peut-être se faufiler. Donc je me dis, Conte il a peut-être pas non plus des masses de comment dire de trucs à apprendre. La sélection il a déjà fait, Chelsea c'est fait, la Juve c'est fait, en Italie tu veux prendre qui? La Roma il y a quelqu'un, la Juve il va pas revenir, il reste qui? Le Milan, l'Inter ils sont au fond. Mais ce qui est très bizarre sur cette affaire, ça veut dire que plus les jours avançaient, plus on disait tout se passe bien, ça avance encore mieux. Encore ce matin on disait oh ça avance de mieux en mieux. Écoute, j'ai lu un article de Sud-Ouest excellente qui date d'il y a 9h, donc à midi et demi, où le mec disait Thierry Henry très bonne voix, tout se passe bien, c'est génial. Et, ouais. Et tout ça part quand même donc de Paris Match et d'une discussion en disant il a appelé le sélectionneur et il a dit oh ça devrait être non. Mais après c'est une question, c'est sur le coach qui aura, il faut qu'il soit prêt pour jeudi. Mais quel coach va être prêt pour jeudi, Adrien? Le mec qui va arriver mardi, il va être prêt de quoi? Pourquoi? Pour faire une équipe? Parce que Bédoué qui fait dans ses déclarations, j'espère que c'est mon dernier match contre. Il espère, Monaco. Mais ça ne veut pas dire que ça le sera. Bédoué, ça fait 10 ans qu'il espère ne plus être entraîneur. Il le sait déjà qu'il est là jeudi. Mais évidemment, c'est lui qui coachera jeudi. Même si officiellement on aura fait signer quelqu'un, il sera sur le banc à côté et c'est lui qui drivera le truc. Tu ne peux pas, même si tu signes un entraîneur avant jeudi, le mec, ce sera juste le nom. Il arrivera, il connaîtra. Il aura vu 3 matchs de Bordeaux, il va pas non plus le mec d'un coup te sortir des trucs de génie. C'est exactement ça. Avant de se quitter, Valentin, t'as quelque chose à rajouter, un truc dont t'aurais pas, dont tu voulais parler, donc qu'on a pas abordé ou pas? Ouais, mais par rapport à l'effectif aussi, je t'en ai parlé de Maxime Poulin tout à l'heure. Et je t'avoue que il va falloir trouver quelqu'un qui va le supplier, parce que bon, même s'il fait ses matchs, il est pas avare du moindre effort, quoi, on le voit. Mais je pense que sur le long terme... On a refusé qu'il parte. Pardon ? On a refusé qu'il parte. On l'a même prolongé. Oui, le Bordeaux a refusé qu'il parte et on l'a prolongé. Il lui restait un contrat, il avait une offre de Mayence, il me semble, et on a préféré le prolonger plutôt que de le vendre. Donc je pense que le club mise sur lui. Ouais, mais en soi, c'est pas... Je trouve que c'est mérité dans le sens où ça fin de début de saison. La milieu de saison l'an dernier, jusqu'à la fin, là, je trouve qu'il il avait une marge de progression. Je trouve que d'un coup, il est devenu meilleur. Après, il y a beaucoup de lacunes, on va pas se mentir. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse l'épauler. Parce que Sabali, à gauche, ouais, à court terme, ça va être bien. Ouais, Sabali, il a fait une super Coupe du Monde. Avec le Sénégal, à gauche. Ouais, mais une Coupe du Monde, c'est combien de mois? C'est combien de matchs? Oui, non, mais il a déjà fait une saison à Evian. Hein. Même deux saisons, je crois, à Evian, où il joue à gauche. C'est un niveau tellement plus élevé que la Ligue 1. C'est bricolé, tu vois, ça va être bien sur le court terme, mais je pense qu'à long terme, il va falloir vraiment réfléchir sur ce poste-là. Que l'année prochaine, que l'été prochain, tu te dises qu'il faut un arrière-gauche. Je suis d'accord avec toi. Par contre, pour cette saison, je pense que là, il y aura pas de recrutement sur les ailes. Peut-être même Gaïc qui a déjà opéré à ce poste-là la saison dernière. Gaïc, le fait qu'il soit jamais sélectionné dans les 18, c'est un signe fort. Mais c'est très bizarre. À un moment donné, il faut bien mettre quelqu'un, les gars. Poulger va pas faire 50 matchs. Il y a Pelnar qui va revenir. Oui, il y a Pelnar qui va revenir. Bref. Merci. Dernière petite question. Ouais, vas-y. Vous avez des nouvelles de Prior ou pas? Il est en vacances au Cap-Agde. Encore ou quoi? Non, Prior, il alterne un match sur deux avec. Il va être vendu. Il va être vendu. Enfin, il va être vendu, mais clairement, ça passe pas. Déjà, il est exclu du groupe professionnel, ça faut le dire. Il est plus aux Euros. Il n'est pas exclu, enfin, sportivement, je veux dire. Il n'est pas dans le groupe professionnel, il s'entraîne avec la CFA déjà. Donc, rien que ça montre déjà que c'est comme on a vu un moment où Olympa était revenu. C'est juste, je pense, le temps de trouver une porte de sortie et pour pas le laisser. laisser partir libre, enfin pas libre du club, mais le laisser partir sans qu'il ait de point de chute. Je pense que c'est plutôt ça pour qu'au moins il puisse continuer de s'entraîner dans un club. Oui, c'est pas non plus le mais but. Mais il est encore tout contrat. Hein. Donc à voir, de toute façon, écoute, à quasiment une semaine près, hein, puisqu'il est 21h20, et dans une semaine, il restera 3 heures avant la fin du mercato. Donc on saura si Jérôme Prior a trouvé un point de chute et quittera les Girondins de Bordeaux. Valentin, merci à toi d'avoir passé cet après-match avec nous. Et puis bah écoute, t'es le bienvenu dans l'émission, tu rappelles quand tu veux. Ça marche, merci. Merci, bonne soirée, ciao. Messieurs, je pense qu'on peut clore cet après-match. Mine de rien, on a fait 2h30. Enfin, 2h, on va dire 2h parce qu'on a commencé à écart. Vous l'avez dit. Ouais, ça a tenu, c'était bien. Non, les duplex c'était bon, on a bien souvent entendu tout bien et tout, c'était nickel. Le duplex, ouais, c'est le super micro idée. Marche comme ça. Le micro marche d'enfer. Le duplex est vraiment un coup de cœur. C'est mon coup de cœur ce soir, le duplex. Non, c'était vraiment top. Bien. Voilà, donc sachez que si à l'avenir on reproduit ce genre d'émission. Il faut que Bordeaux joue le dimanche à 17h évidemment ou 15h. Il faut qu'on se qualifie jeudi. On refera ce genre d'opération. Bien. Donc ça n'empêche que on revient quand même demain soir. Cette émission ne remplace pas celle de demain soir. On sera quand même là demain soir 20h 21h30 pour parler. On va quand même toucher un petit mot à froid sur Monaco. On parlera évidemment du gros match qui nous attend jeudi soir, du match retour contre la Gantoise. Peut-être que d'ici là, allez savoir, demain ou cette nuit, tout peut se passer, on aura d'autres infos à vous donner. Et puis voilà, sur ce, messieurs, on va se quitter là-dessus. On va... Phrase de fin. Tout à fait. J'espère qu'une chose, c'est que Henri va signer et que ce qu'on est en train de vivre est un coup de pression juste pour foutre la merde au CFC, qui est la pire émission de football qui existe en France. C'est la pire émission parce que tu vomis sur Menez. C'est pour ça que tu dis ça. C'est l'heure du petit clash entre. Mais non, parce que ça m'énerve. Parce que comme il chie Menez, il y a des gens très bien au CFC. Je trouve cette émission nulle. Et, tu vois, j'allais le dire après, et ça fera la bite à Menez, qui a eu comme seule réaction de dire bien fait, quand il a su qu'on reviendrait pas, comme si c'était bien fait pour Bordeaux. Je vois pas ce genre de réaction, je trouve ça débile et ça m'agace plus ou moins. Enfin, c'est pas bien fait le mot, mais ça attend les 20 minutes pour voir une transversale pied gauche de Laura Guerre. Merci, tout est possible dans le foot. Ce qui m'étonne, c'est que t'es compté les minutes. Et vous avez pas vu là. C'est parce qu'en fait, il a fait à la 28e minute un centre du pied gauche qui est arrivé dans la surface à peu près bien. Et on l'a pas souligné, mais la passe, il fait une sacrée passe contre Toulouse. Merci Adrien. Mais ça, c'était ta phrase de fin, tu vois. Non, in Camano we trust. Voilà. Ok, Enzo. Je sais pas, merci. J'ai envie de dire Canaille Joe comme à chaque fois, mais. Canaille by Joe ouais, peut-être. Voilà, mais là, encore plus que d'habitude. Thomas. Bordeaux pire que Dallas. Voilà, bien, c'est bon, tu commences à. Ça va. Et pour ma part, ce sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci donc à tous les gens qu'on a eu au téléphone. Merci à Manu Longeon, je sais plus qui on a eu, Charles, Valentin, on a eu plein de gens. Excusez-moi, je me rappelle plus de tous les prénoms. Ulysse. Donc merci à vous tous. Thibaut, évidemment. On se retrouve nous demain 20h 21h30. Merci messieurs. D'ici là, on vous souhaite une bonne une bonne soirée, une bonne journée demain et allez Bordeaux.